Donc avant de partir, tout à l'heure, avant que nous retournions dans l'étranger, nous sommes arrêtés là où nous avons vu que les pentecôtistes ont totalement dérivé. Les pentecôtistes ont totalement dérivé. Nous avons vu des enveloppes sur lesquelles ils ont fait des choses, des mascarades. Et je vous dis que des pasteurs qui sont maintenant, comment ils font des séminaires après séminaire, pour pousser les gens à payer. Séminaire ici. En venant, amène les gens du cadre. C'est comme si tu amènes quelqu'un, tu mets 5 ou 5 000, ça fait 25 000 directement. Vous comprenez, on peut bien le dire que chaque personne a même une personne. Vous pensez qu'ils sont en souci des âmes, mes chers amis? Ils sont en souci de vos portes de mon esprit. D'accord? Prions pour cette deuxième partie. Prions. D'accord? Priez pour moi pendant que je suis en train de prier pour vous. Nous dans cette émission de Jésus, verset 18. On parle aussi quand par l'esprit, je crois des prières. D'accord? Je vais vous prier aussi pour que nous soyons prêts de parler comme on doit en parler. D'accord? Pendant que je prie pour vous, priez pour moi aussi. Pour que je donne la parole à cette émission. Je ne vais pas être fidèle au Seigneur, d'accord? Mais nous recommandons cette deuxième session en déterminant. Nous prions pour que les gens qui nous conduisent, qui conduisent nos pensées à toi. Une fois de plus, Seigneur, de trouver nos pensées et les pensées de mes frères ici, pour la puissance de même de Jésus-Christ de Nazareth. Prends, ô Dieu de gloire, toujours ici sous ta gloire, et manifeste ta parole dans nos cœurs. Je prie pour chacun de nous ici, Seigneur de gloire, que tu confortes chacun, que tu confortes chaque vie, que tu confortes chaque cœur, et que tu amènes ta parole à la révélation vivant n'importe qui ici, Père. Que chacun vient ici et sorte vraiment béni par ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, autre stratégie que les pasteurs ont maintenant, autre stratégie que les pasteurs ont pour soutirer de l'argent des croyants. Maintenant, je crois que vous ne serez plus les ignorants. Vous ne serez plus les ignorants. À partir d'ici, maintenant, vous ne serez plus des ignorants. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner votre argent n'importe comment. D'accord? Avant de donner, souvenez-vous, ce que vous avez pour donner, c'est Dieu qui vous donne en bénédiction. Donc il s'attend à ce que vous gérez cela avec parcimonie. Il s'attend à ce que vous gérez cela de la manière dont Dieu vous attend. Donc si Dieu vous donne ses bénédictions, vous allez donner sur n'importe quelle terre pour donner l'avantage à l'Antichrist ou bien faire l'avantage à son royaume. C'est les deux choses. Soit vous avantagez l'Antichrist par rapport à son royaume, soit vous avantagez Dieu. N'est-ce pas? Ok. Vous venez de Galates chapitre 6. On va y revenir. Maintenant, voici ce que les pasteurs font. Certains pasteurs font les messages comme on a fait maintenant. C'est-à-dire qu'on fait les messages là. On met sur les clés, il faut 1000 francs. Chaque CD, chaque message, on vend des messages 1000 francs. Vous imaginez qu'il y a des relations qui s'en vont après. C'est-à-dire qu'on fait les messages, par exemple, il y a une industrie qui a des imprimés dehors. Lorsqu'on finit, quelqu'un annonce là-bas en disant que les messages qui sont disponibles, passez là-bas au bureau, on ne pas. Vous prenez un CD, il faut que vous vos voisins pour donner, parce qu'il faut que vous n'avez pas. Et voici ce qu'il dit pour se payer. Il faut faire ça pour se payer. En faisant ça, tu soutiens le ministère. C'est comme ça que Dieu vous a dit, c'est comme ça que la parole enseigne, qu'on soutient le ministère en achetant le CD. D'autres pasteurs encore ont trouvé une stratégie plus grotesque. Et ceux-là, c'est les catholiques de ceux qui ont des industries de production, des jets privés. Ces catégories, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent des livres chaque mois. Ils s'assurent de produire des livres sur les thèmes qui attirent le public. Comment vivre heureux sur la terre sans manquer? Les 7 lois pour vivre une vie abondante. Quand tu vois le titre, comme vous avez l'argent sur ça, vous êtes dans le dossier libre. Vous voyez ça, mes chers amis? Comment être rempli de Dieu? Comment connaître tes potentialités en Dieu? Comment découvrir tes potentialités en Dieu? Je vous dis ce que Dieu m'a dit par rapport à ça. Dieu m'a dit ceci. Je veux que vous compreniez cela. Je veux que ces gens-là, les formateurs de tout là, puissent entendre. Dans Saint Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, où je suis à dire, vous êtes la lumière du monde, je dis, Dieu m'a parlé, je vais dire exactement ce que les mots qui sont sur la bouche. Il m'a dit, les gens qui récitent que je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, ce n'est que du lui. Ce n'est que du lui. Que Dieu ne connaît pas ça. En fait, les chrétiens à qui on doit dire raconte ça, même les démons sont embrouillés à cause de ça. Les démons ne savent pas de quoi ils veulent parler. Lui-même les démons ne savent pas de quoi il veut parler. Je ne dis pas que tu as décidé, je suis le même monde, je suis le même monde. Lui, les démons ne savent pas de faire question. Les gens ont seulement pris la parole de Dieu, ils décident comme ça pour te laisser les gens voir, pour que vous croyez qu'à l'instant, quelque chose va arriver. Alors, tu as commencé à m'enseigner. Quand le président de la République vient à la maison pour parler, c'est vous qui pouvez voir le président qui passe. Lui ne dit jamais qu'il est le démon. S'il vient le français, il s'en vous attendez pour qu'on comprenne tout le monde voit le pauvre, pour savoir que le président de la République veut parler. Il n'écrit pas la lettre du président de la République avec parler. Lorsqu'il va aller prendre son avion pour passer, comme son avion, quand vous voyez les gars de quoi vous dites, c'est le président qui a fait le voyage. Pas vrai? C'est vous, les Alex, qui confessez que vous voyez le président. Alors, la grande lumière, selon Jean chapitre 1, verset 9, la véritable convenance dans le monde est très puissante. Quand il était sur la terre, il a dit, je suis la lumière du monde. Regardez ce qu'il a dit. Je suis la lumière du monde. Quiconque marche en moi aura la lumière de la vie en lui-même. Il ne demeurera point en ténèbres. Pendant que vous avez la lumière par lui, croyez en la lumière afin que vous demeurez point de la lumière. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas passé son temps à dire, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. En fait, lorsqu'on le regardait, on croyait que c'était ténèbres parce qu'il était tellement laid. Il devait se faire plus de gens. Ce style de lumière est appelé, activé et saisi par les cœurs seuls. Ce style de lumière. Vous comprenez? Alors les pentecôtistes, autres appelés des foulards, sont arrivés à prendre les paroles de mon père pour tort en disant, il faut qu'on voit la vie. On croit que quand tu t'habilles en veste, j'ai vraiment continué. La tête bien coiffée. Quand tu passes en train de voir l'arrivée du monde. Si c'est comme ça que le monde brille mieux que. Vous saisissez, n'est-ce pas? Dans ce verset 16 là, verset 13 à 16 de Matthieu chapitre 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Après la pierre de Dieu, on dit que vous êtes le sel de la terre. Alors le sel, vous ne mettez jamais le sel dans la main, le sel, je suis sel. On sent le sel dans la main. On sent le sel dans la mamie. Voilà. Et Dieu me dit donc, ne vous laissez pas faire. Si le sel perd sa faveur, avec quoi aller dans mon cœur. Donc Dieu sent la pourriture sur la terre. Et les gens se réclament pour sel. Parce que le sel arrête la putréfaction. Mais lui ne fait pas son travail. Vous entendez ça maintenant? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de respecter juste le sel. Il faut juste arrêter la putréfaction. La pourriture a atteint le monde, c'est entré dans l'église. La prévention, c'est tout ça de l'église, c'est tout dans le monde. Ouais, ça a conduit les gens. Ça a conduit les sels de la terre. Écoutez bien ça, mes chers amis, avant qu'on entende le message. Ça a conduit les sels de la terre et les lumières du monde à commencer à fonctionner comme des païens. Comment ils fonctionnent comme des païens? En milieu chrétien, maintenant, on voit les associations d'aide. Les associations d'aide. Alors, associer des anciens élèves chrétiens de l'Université de Babadjoum au milieu chrétien. Lorsqu'on est en France, on dit association chrétienne des ressuscitants de Kinshasa. Alors tous ceux qui sont de Kinshasa commencent à aller là-bas. L'église du Seigneur Jésus commence à être une secte ethnique. L'église du Seigneur Jésus. Alors quand un Camerounais se trouve à l'extérieur, il cherche là où il y a des frères Camerounais. Quand un pasteur ou d'autres sont assemblés quelque part, il cherche son frère Camerounais, sinon du même village. Alors vous pouvez voir les églises de Bassa, les églises de Babylone, les églises de Lingal. Des choses comme ça, vous avez ça dans votre parole, c'est un autre Jésus-Christ, parce qu'en tout cas, les frontières sont totalement balayées. Nous sommes des citoyens du ciel. Les barrières de langage ne créent plus de problèmes. Les barrières ethniques, de couleurs, de la peau ne créent plus des problèmes. Mais nous sommes des problèmes. C'est-à-dire qu'en quittant le plan de Dieu, ceux qui s'appellent les sels et la lumière du monde ont pris des identifications mondaines. On a transformé l'organisme vivant en organisation vivante sur la terre, contrôlée par Satan, Belzébuth, par partie des rois de la terre. Alors il faut que les rois de la terre donnent l'autorisation aux organisations religieuses pour contrôler. L'organisation est sur la terre, n'est pas de Dieu. Dieu a un organisme parce que c'est la vie de Christ transcendant dans l'humanité pour affecter le reste des peuples purifiés par les pourritures et la corruption. En milieu chrétien, on a commencé les tontines, des choses étrangères à la Bible. Alors, vous allez entendre les associations des chrétiens du quartier 8 bis. Pourquoi les associations des quartiers 8 bis? L'association des mini-jeunes dans notre quartier. Pourquoi, mes chers amis? Pour que si tu meurs, quelqu'un meurt chez toi, on vient t'assister. Vous voyez, on ne connaît plus le Saint-Esprit. On ne connaît plus la providence de Dieu. On ne connaît plus le support et la bienveillance du Seigneur Dieu des années. Les premiers chrétiens ne sont pas associés, à une association quelconque pour savoir s'il est bien. Sa famille était dans une association, au cas où on le lapide, on puisse créer un tombeau pour lui. S'il meurt, si vous venez de son problème là-bas, c'est vous qui avez le problème, c'est pas lui. Vous entendez, n'allez pas? Donc moi qui parle, si il meurt, si tout le monde parle, s'il meurt, on en vient moi. Mais c'est pas celui qui a dit que vous n'avez qu'il y a le problème. Il serait chez mon père. Si vous comprenez. Donc, la lumière du monde, ou les lumières du monde, entre guillemets, quelle est là maintenant? Ont pris les identifications du monde. Les gens ont commencé à se comporter comme des mondains. Alors donc, il y a des associations chrétiennes. Les caisses de prévoyance sociale sont des chrétiens. Conséquent, les chrétiens commencent à épargner leur argent pour profiter du bon temps au cas où la crise vient. Je vais vous surprendre, mes chers amis, en disant que la crise est en train de venir. Et attendez, les familles disent parce que c'est en risque, parce que vous serez tôt ou tard que c'était sorti. La crise est en train de venir. Ceux qui sont en Europe particulièrement, comme ils fuient les continents africains, disant qu'ils ne sont pas bons vivre ici. Nous avons encore la banane sèche, nous avons encore les tomates sèches ici, nous avons encore les pistaches et les arachides vraiment bien. le moment arrive, mes chers amis, où les capitaux vont diminuer. Pourquoi? Parce que l'Antichrist va pousser les capitaux à un groupe minime d'hommes pour contrôler l'humanité. Et alors là, vous allez vendre votre âme. Tous ceux qui seront en Europe, s'ils ne vont pas vendre en vente, vous l'avez donné. Plusieurs en Europe. Donc, ils sont allés regarder, dans la suite des temps, une vague de personnes qui étaient en Europe pour rentrer en Afrique. Donc, là, vous pouvez pour aller là-bas. Ça sera grave là-bas. Pourquoi? Parce que les continents seront rejetés Dieu. Comment ils ont rejeté Dieu? Parce que les principes même de ces choses, nous sommes allés les voir. La communion fraternelle, l'amour entre les gens est totalement disloqué chez les blancs. Alors, il suffit que tu viennes toquer chez quelqu'un pour annoncer l'évangile. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il appelle la police. Vous voyez à quel niveau on est arrivé? Vous trouvez la tranquillité des gens. Qu'est-ce qu'il y a à bavarder là-bas? Vous ne pouvez pas vous rester dans la rue, vous voyez, parce que chaque. Et maintenant, tout le monde est d'accord, même les chrétiens, les lumières du monde, la foi dans le cœur, tout ça, c'est dit. C'est parce que la Bible dit, Michel. Donc, ce sont les confiances qui ont rejeté Dieu que les gens, là où les gens parlent maintenant. Voilà pourquoi, si tu vas là-bas sans être envoyé de Dieu, tu vas te détourner. Tu vas arriver là-bas, tu vas dire que non, il fait trop facile, ça, il est content de porter le pantalon, il ne va pas comprendre. Je n'ai pas dit d'envoyer là-bas, c'est une prostituée. Vous entendez là avec toi? Dieu ne badine pas. Elle a dit que aucune femme ne portera des vêtements, nous ne portons pas la vêtement. Elle n'a pas dit excepté ceux qui sont dans la région, pour parce qu'en réalité, c'est la région où on a écrit ça. Est-ce que vous saisissez? Vous me saisissez? Vous comprenez? Mais je veux savoir si vous venez sur tout ça. Alors, chez les blancs, qu'est-ce qui arrive, mes chers amis? Les chrétiens là-bas, les seuls lieux de rencontre, c'est dans leur temps qu'ils ont construit. C'est salut là-bas, c'est salut, chacun se suffit, chacun rentre chez nous. Chacun mène sa peau et il vit tranquillement. Alors, je dis que certaines choses qui sont dans la Bible, les premiers apôtres pour eux disent qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Dis-moi un temps, quoi que, où est-ce que c'est écrit qu'on ne peut pas vivre ces choses-là? Est-ce que l'amour est difficile à manifester? Regarde ton voisin, on doit vivre l'amour. Donc, la marque déposée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là où les développeurs ont dit que c'est impossible de vivre ça. Dans Jean au chapitre 13, le verset 35, Jésus a dit que c'est comme ça qu'on va reconnaître que vous êtes ici. Si vous avez de l'amour entre vous, c'est exactement ce qu'on a vu ici. C'est exactement ce qu'on a blessé. Donc si nous disons que nous sommes blessés, notre masque c'est l'amour. Donc si chacun reste chez soi, chacun gère ses noms de plus comme il veut, gère ses biens comme il veut, en disant en grand on se réunit pour notre salut. Oh frère bien-aimé, nous adorons Jésus. C'est le lieu des quantités que Dieu va dire éloigner ça de moi. Parce que la preuve de son adoration, c'est que tu aimes ton prochain comme l'homme. Et par-dessus tous les croyants, ceux qui sont venus. Dieu dit donc, dira donc, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu dois aimer ton prochain, que tu ne vois, que tu vois, lui que tu ne vois pas. Tu vas dire que tu l'aimes comment? Vous êtes n'est-ce pas? Amen. Donc je vous dis ceci afin que personne ne soit surpris à l'état que Dieu lui dit qu'il ne te connaît pas. D'accord? Parce qu'il a dit qu'on va nous reconnaître par notre amour. C'est pour ça qu'on a expliqué sur cet aspect-ci dans l'église. D'accord? Donc en Europe, dans le continent des Blancs, chacun a sa barrière chez lui. Chacun a son petit lit. Ils ont même limité le nombre d'accouchements. D'autres sont allés jusqu'à prendre les yeux des siècles pour couper l'enfantement. Choses qui sont extrêmes. Une abomination devant Dieu, une femme de poser des spirées stérilées et mettre dans le ventre pour bloquer que les enfants ne sortent pas. Si tu ne veux pas d'enfants, ne fais pas l'amour. C'est comme ça. Si tu fais, attends-toi. Combien sont les pasteurs qui ont fait avorter leurs femmes parce que les séries là-bas, les dîmes ne suffisent plus pour les nourrir. Mais comme ça, dis à ton pasteur que si tu comptes accoucher, tu dois seulement accepter. Est-ce que c'est laissé? Donc le moment est arrivé aussi dans cette direction-ci où beaucoup de femmes de pasteurs vont divorcer. Beaucoup vont divorcer. Et dans beaucoup de régions, vous allez voir des jeunes qui avaient des enfants, ça va se multiplier. Et beaucoup de femmes de pasteurs même vont mourir en voulant avorter. Je vais pas les livrer, bon, ça c'est qui arrive, ça, c'est devant nous. Vous comprenez? Donc l'esprit de prostitution va saisir les religieux. L'esprit de prostitution va saisir les religieux. Le vertige va saisir. Pourquoi? Parce que Dieu va nous livrer du grand spectacle. Donc, tenez ferme maintenant en comprenant ce message pour que vous soyez alertés et être préparés. Bien. Donc, ces gens-là ont dit qu'on ne peut plus vivre les actes d'apôtres totalement comme cela a vu parce qu'ils étaient dans un contexte. Il y a comme ça, il n'y a pas de contexte d'amour. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de temps. L'amour n'a pas de limites. L'amour n'a pas de limites. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Si vous lisez votre acte des apôtres, dans le livre 1 Corinthiens, nous vous lisez le chapitre 12 ou le chapitre 14, où on fait des longues unités, des grandes manifestations. L'apôtre Paul dira au chapitre 13, verset 13, que trois choses demeurent. La foi, l'amour, l'espérance. Le plus grand, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Après, moi, j'ai incité aux chrétiens d'assurer aux dons spirituels. et si Dieu sera celui de la prophétie. Mais avant cela, c'est pour l'application verset 1, il va leur dire que je vais vous montrer une voie par excellence. Donc il dit, il veut dire la voie par excellence pour avoir accès aux dons spirituels par l'amour. Il faut passer par l'amour. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est la nécessité qu'on s'en va de ces choses. Il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Une voie par excellence. C'est-à-dire qu'une voie où si vous y êtes, les dons spirituels ne manqueront pas. Une voie par excellence, l'amour. Donc on est obligé, sauf à étayer cela, on est obligé de suivre les pas des apôtres. Il a dit que soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Si vous le suivez l'apôtre de Paul, si son enseignement produit, écrivez votre vie. Si vous voulez suivre l'apôtre de Paul, alors suivez l'apôtre de Paul, en sachant que c'est tel qu'il a écrit à moi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc dans l'un de ces écrits, dans un il va dire que si quelqu'un ne respecte pas ces choses, n'ayez pas de pas avec lui. C'est ça, n'est-ce pas? Donc que cet enseignement soit dû. Dieu savait que tu serais là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et Dieu savait qu'on serait là. On donne. N'est-ce pas bien aimé? Donc, c'est, on ne peut pas faire une fuite en avant en disant que chez les autres, que chacun est chez lui. Comment on va faire là pour vivre l'amour? Écoutons très bien. Si nous vivons la Bible et nous désirons obéir à la Bible va nous aider à obéir. Parce que ce sont les paroles de Dieu. Amen. Amen. Mais avant d'avancer dans la deuxième partie maintenant, suivez quand vous mettez attention. Il faut dire quelque chose. Esaïe a écrit sa prophétie 800 ans avant le Seigneur Jésus, l'arrivée du Seigneur Jésus. Vous savez ça? Ok. Dans Esaïe 61, il était marqué, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Vous savez ce que c'est? Quand Jésus-Christ va se présenter dans le temple, dans le livre de Luc, dans la synagogue, dans le livre de Luc au chapitre 4, il va ouvrir le rouleau, on va donner le rouleau d'Esaïe, il va ouvrir et il va trouver dans le temps des ténèbres. Il va dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il va discuter ici, après il va ouvrir, il va s'asseoir. Écoutez bien. Écoutez bien. Il va dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue s'accomplit. Mais là, on commence à s'étonner. Ils ont toujours vu ça 800 ans plus tôt, le moment où la parole qui était touchée devait se livrer pour se manifester avec moi. Donc, quel que soit le temps que les actes des apôtres ont été touchés là, et que vous lisez, vous pensez que c'est inerte, la vie des chrétiens est maintenant. On va vivre cela, vous montez, vous descendez. Écoutez bien, ça va se passer avec vous ici. Vous savez. Donc, ne soyez pas surpris. Souvenez-vous, il dit que personne ne met la main sur les chambres et regarde en derrière, c'est de sa propre royaume. Donc, si tu mets la main sur les chambres, signe seulement. Si tu regardes les enfants, tu ne peux pas revenir. Un riche était venu le voir, quand il est venu le voir, quand il est parti, on dit la prochaine fois, tu vas l'enfer. Donc, souvenez-vous, c'est en sortant du sujet de la main, c'est pour vous comprendre. D'accord? Et que vous commencez à pratiquer. Donc, la pratique, comment vous dites, on veut la pratique, comment aujourd'hui? Après, on n'est pas par réfléchir. On n'est pas par réfléchir. Vous comprenez? L'une est la pratique. Comment maintenant? Maintenant, on va dire exemple d'application. D'accord? Amen. Vous maîtrisez? Amen. Exemple d'application. Donc, vous qui avez le compte en banque, si vous voulez avoir les et les pipis maintenant, si vous voulez les matériels, vous qui avez des champs gardés et les pipis, on va pratiquer maintenant. Après, les apôtres vont se réveiller. D'accord? Donc, vous me mettez un. Vous venez le Seigneur, pas pour que vous bénisse. Alors, Esaïe 61 était couché dans le livre, on lisait chaque jour, on passait. Mais le fait qu'on lit chaque jour, on passe, ça ne fait pas que Dieu nous a pas manifesté. Lorsque le temps de l'Écriture arrive, Dieu se suscite son propre serviteur pour accomplir sa parole. Amen. Vous êtes. Ok, maintenant, remarquez bien. Là où Jésus a dit ce verset, les gens ont rejeté. Vous savez ça? Amen. Là où il a dit ce verset, il s'est accompli, les gens ont rejeté. Quand il est parti, il a envoyé tout. Délivrer le captif va commencer à marcher. Délivrer le captif, libérer les opprimés, va commencer à marcher. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce que c'est là où il avait vu qu'on avait rejeté. Pourquoi? On dit que non, c'est pour un autre temps. On ne peut pas comprendre bien ce qu'on dit là-bas. Mais lorsque le temps avec où Dieu va interpréter son écriture, il n'a pas besoin de partir, même pour l'interpréter. Il interprète lui-même sa propre parole. Amen. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il a couché dans les arbres déjà. Et on a lu, ça vous avez vu quelques versets. Chapitre 2, verset 44, 45. Chapitre 3, verset 45, 42, 32 et 36. On a vu tout cela. C'est pas compliqué, on va revenir sur 46. Au chapitre 6. Et on va progresser pour voir comment les disciples jouissaient de leur bien. D'accord? Première chose. Lorsqu'on devient chrétien, on ne s'appartient plus à soi-même. C'est le principe d'un chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, on ne s'appartient plus à soi-même. 1 Corinthiens 6, verset 19, 20 dit, glorifiez donc, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc tu es un intendant de ton corps. Et les intendants rendent compte de l'administration qu'ils vont faire de leur corps. Pas vrai? Ok. Alors maintenant, si ton corps toi-même ne t'appartient pas, encore une fois, maintenant, c'est qui vient de ce corps-là? Vous comprenez la mélange, monsieur Dallo? Autrement dit, quand tu deviens chrétien, tous tes biens sont chrétiens. Ton habit est chrétien. Ta chaussure est chrétienne. Ta maison est chrétienne. Ton chambre se devient chrétien. Ton compte en banque est chrétien. Ton travail est chrétien. Donc, quand tu es chrétien, tu es chez ton futur, tu vas pas chrétien. Voyez, n'est-ce pas? Si tu fais à la brasserie, tu vas à la brasserie. Si tu ne vas pas le travail chrétien. Vous comprenez? Tous les temps de médecins là aujourd'hui qui faisaient le temps de l'État. Ça n'est pas chrétien. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne travaille, qui ne nomme pas Dieu. Doit être rejeté. D'accord? Il faut que ces fondations soient bien fondées. Alors si on ne comprend pas ces choses, on va commencer à reprendre Dieu. On va commencer à voir c'est là où ça arrive ces choses. Les gens l'ont compris. Les gens ont compris. Qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur passe son temps à aller étudier les versets pour te convaincre. Comme toi, tu passes ton temps pour chercher l'argent pour toi. Il te montre que comme tu cherches là, une partie pour Dieu. Mais c'est celui qui nous a traité de Dieu. Quand tu prends le temps de comprendre, tu prends seulement, tu lui donnes. Donc vous travaillez dans le même temps. Tu travailles pour maman, il exploite maman. Vous connaissez? Vous travaillez dans le même temps. Moi, non, pas si. Alors, d'autres personnes encore, dites-le, je m'en fous de ce que le pasteur fait. En tout, toi, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? S'il prend un moment, là, ce n'est pas le problème. En tout, toi, il n'y a pas de problème. Il te manque vraiment. Dieu n'a pas tenu ton ignorance pour une excuse. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun a la Bible. Chacun a la Bible. Quand tu rentres à la maison, tu vas dire, qui me doit? Qui me doit? J'ai dépensé pour lui aujourd'hui. J'ai travaillé, tu dois peut-être des trucs qui n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que la pensée absorbée au matériel. Oh, ta Bible vous fait de l'autre dire affectionnez vos choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Tu dis que non, non, non, c'est dur. Et dis, quand Dieu a écrit cette Bible-là, il a décidé que le canon biblique s'arrête. Il savait que c'était vous qui arriverait. Tu n'as pas deux choix à faire. Ou tu sais Dieu, ou tu sais Dieu. Soit tu sais Dieu, sinon tu sais Dieu. Tu comprends, quand tu es dans Dieu, c'est comme ça. Alors, il faut le matin, vous le verbe venir, il dit quoi? Non, il faut que. Écoutez, c'est comme ça que Satan distrait les gens. Il dit, il faut que je trouve du travail. Quand je trouve le travail, ma situation n'est pas bonne. Si je trouve du travail maintenant, là, j'ai construit ma maison. Dis ça, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Maintenant, il veut se dire, c'est mon cœur. Il veut se dire, là, tout. Écoutez, lorsque tu cherches le travail, quand tu veux le travail, là, en réalité, c'est là-bas que tu ne trouves pas des problèmes. Lorsque tu trouves le travail, les paramètres du travail et de lecture de la Bible entrent en action. Il faut lire la Bible. Il faut aller au travail, il faut être à l'heure au travail. Tu commences à dandiner. Internet, tu dis que Dieu va comprendre. Qui est ton église en premier lieu? Dieu. Pourquoi? Parce que maman, c'est quatre. On paye quatre. On dit que quelqu'un est express. Alors on se tourne ici pour dire que Dieu va comprendre. Quand on a dit que tu ne vas pas prier, Seigneur, mais quand tu veux donner cet argent. Donc chaque chose que vous allez acheter dans votre vie va avec des paramètres de problème. Chaque chose que vous allez acheter dans votre vie va avec des paramètres de problème. Donc c'est une bêtise de dire que si j'ai tout le travail, j'ai ma maison, j'ai ma femme, maintenant je peux servir Dieu. Quand tu vas voir ta femme va dire maintenant que je ne crois pas. Quel pied de main avec rouge à lèvres, maintenant que vous allez faire une chose, qu'est-ce que vous avez? Pas vrai? Alors tout ça, vous être épargné de cela. Est-ce que vous me saisissez? Vous me saisissez? Alors maintenant, l'enfant entre maintenant. Tu veux prier. Ça va prendre la porte, l'enfant entre. Papa, là! C'est nouvelle, l'enfant qui m'a donné. Il avait des malades, pas toi qui as vu. Alors mes chers amis, ne nous voilons pas la face. D'accord? Ne nous voilons pas les yeux. Dieu nous appelle à la repentance. Donc il prend cette préoccupation parce que sa vie est en danger. D'accord? Il est embué. Maman a dit d'embué. Lui, d'ailleurs, maman, il dit que. D'accord? Si tu avais parlé de votre cas, vous qui dites. Tout à l'heure, je ne sais pas tant d'amis. Donc, c'est toi qui dis. Donc, ces paramètres, si nous intégrons dans nos vies en pensant que nous sommes des servis de Dieu, en négligeant les choses importantes. Dans Michel chapitre 6, la Bible déclare au verset 6, chapitre 6, verset 6 à 8, et qu'on t'a fait connaître au homme que l'Éternel attend de toi. C'est clair dans la Bible. C'est que l'Éternel attend de toi. Si vous comprenez, c'est écrit dans ces livres. Et le développement venu dans le Nouveau Testament. On a mis ça clairement là-bas. L'apôtre Paul a dit que je vous ai annoncé tout le conseil des dieux. Donc, si vous voulez connaître, il ne faut pas dans le conseil des dieux. visait les écrits de l'apôtre Paul. Visait ses écrits. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes tous avec moi? Amen. Vous êtes tous avec moi, n'est-ce pas? Amen. Donc, on va voir le conseil de Dieu concernant nos matériels et nos bien-être. Ça ne dépend pas du conseil de Dieu. Ça veut dire que là-bas en haut, qu'est-ce que Dieu a décidé que s'il devait chrétien, il devait faire des mères? Bien. C'est la question dont il a fait après la vie. Maintenant qu'il ne fait pas la vie, qu'est-ce que Dieu veut bien dire? D'accord? On va considérer un premier bien. La maison. Nos maisons. Vous qui n'avez pas de maison, n'avez pas de problème. Vous qui avez une maison, vous avez le problème ici. Donc, c'est soit vous avez dit quelque chose dans ce qui connaissez Jésus. Si vous l'aimez. C'est soit vous acceptez ce Jésus-là et sa parole. Soit vous le dites. D'accord? Amen. Donc on va parcourir d'abord les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est-à-dire que les premières questions ont établi la façon dont on doit agir. On va parcourir, on va voir avec les raisons ce qu'il faut en faire. D'accord? Et dans la vie, il n'y a rien qui peut se trouver. Je suis pas tout le temps. Vous allez lire d'abord, si vous voulez déchirer les pages, en fait, si vous voulez déchirer, c'est vraiment déchirer tout. Dieu a fait déjà cette autre chose, je te donne une famille, je te donne une page. Et tu vas déchirer au cas où? Jamais. Tu vas déchirer toute la Bible. Donc, c'est soit tu lis cette Bible, si tu la prends totalement, mais tu me jettes totalement. Donc, maintenant, une Bible va être tracée. On va tracer une Bible maintenant. Ceux qui sont pour Dieu vont aller dans le temps du monde. Amen. Après les apôtres. Première bien observer. Dis observation. Voilà. Donc, notre premier bien, on va examiner dans des noms maisons. C'est une nouvelle maison. D'accord? Vas-y. Ah, je me sens vraiment à l'aise là. J'ai dit qu'on peut prêcher dans sa mari. Amen. La sœur fera du chambre parce qu'elle est assise chez elle. Donc, même si ça dure, elle ne perd rien. Mais d'autres sont ici comme ça, là, que 19 arrivés ici, là, on va se faire chignon, on peut rentrer. Mon ami, ma mission, c'est que je peux qu'il prêche, je vais prêcher ça. Donc, si quelqu'un sort, il sort. Il y a une des personnes qui sont parties. Vous avez un message qui est trop beau. C'est merveilleux. Regardez là. Quand on ne veut pas, la personne va venir. Elle nous dit si encore de venir. Si la personne est venue, c'est parce que c'est écrit, il veut le message. Lorsque quelqu'un est quelque part sur son problème, regarde le message. Je suis responsable. D'accord, monsieur Yannick? Donc, j'ai dit quel livre déjà? Donc, prenez ces choses, vous allez passer entre vous, pour ça, pour moi, vous voyez. Ah, c'est les apôtres. Donc, on va observer le premier bien des maisons. Donc, pourquoi on va aller dans la Bible? On veut voir maintenant comment ceux qui devenaient chrétiens dans la Bible, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur mère? Maison. D'accord? Donc, on va d'abord observer tous les maisons. Appelez-le. C'est merveilleux, n'est-ce pas, monsieur le ministre? On va lire tous les passages de l'Apôtre juste avant de finir là-bas. Ok, regardez. Chapitre 4, verset 32 d'abord. Il est dit là-bas, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Premier principe et première base. Lorsqu'on devient chrétien, on perd les droits de propriété sur tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. C'est la parole. Donc, là où tu étais maintenant, deviens pour Christ. Donc, tu peux s'en servir à tout moment. Elle peut prendre un chrétien, elle peut exiger un chrétien n'importe où. Elle est sur la terre, regarde, il est ici. Tu penses qu'il va là-bas, voilà. Après, il vient ici, il dit que Dieu a ajouté. On va appeler ajouté. Vous voyez, il est en haut, commandant en chef, donne les ordres sur la terre. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donne la terre. Tu vas voir ici, prêche ici. Parle ici, entre, parle. Reste dans ce qui parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus-Christ est Seigneur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens. Vous entendez? Que ses biens lui appartiennent à un propre. Mais tout était commun. Tout était commun. Mais les fascistes et les nazistes des Allemands nous ont formaté la tête avec nos éducations. Les capitalistes sont venus nous embrouiller. Les communistes sont venus nous enfoncer dans un système de vous, on ne peut pas nous en. Mais la parole de l'Éternel demeure de nous. Elle est inébranlable. On ne peut pas changer. C'est-à-dire que tous ceux qui croyaient étaient en même temps, vous avez tout en commun. Personne ne veut que ma communauté se prenne. Vous êtes les quoi? Voilà la vraie croyance. Vous allez savoir maintenant si vous avez cru. Donc votre degré de savoir que vous avez cru, c'est votre degré de légitimité de votre matériel. Votre degré, je crois en Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? C'est le fils de Dieu. Ça, c'est l'information. C'est l'information que tu as retrouvée. Satan sait qu'il est le fils de Dieu. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. Satan sait qu'il est le fils de Dieu. Les premières personnes à savoir qu'il était sur la terre, c'était le sataniste. Vous savez, ça n'est pas? Quand il est venu devant le père, Satan lui est venu comme fils de Dieu. Il a dit, c'est fait comme ça. Donc, Satan connaît qu'il est le fils de Dieu. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il n'y a qu'une seule identification claire et distincte. Des vrais chrétiens, c'est la vie de foi par les œuvres, de l'amour. Pas les œuvres avant la foi. La vie de foi par les œuvres de l'amour. Vous entendez? Je continue. Chapitre 5. Il lit donc quelques versets. Chapitre 5, verset 41 et 42. Nous parlons là. Vous remarquez que nous on a vu, on parlait des biens et des propriétés là-bas, donc on aura le plus tard de vivre une belle là-dessus. Verset 41 et 42. Lis le verset 42. Il lit le verset 42. Et chaque jour, dans le camp et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc les maisons étaient ouvertes pour que les apôtres puissent y enseigner. Vous voyez? Nous avons vu ça au verset 42, n'est-ce pas? Avançons, avançons. Avançons. Chapitre 8. On continue. Donc, mes chers amis, si vous allez quelque part, vous voyez quelque part, on est en train de comprendre que ça, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas ça, ce que Dieu lui appelle l'église là-bas. Ça, ce sont les dénominations qui sont étrangères à la Bible. L'église, elle, d'après la Bible, se réunit dans les maisons. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, donc je vous ai déjà eu le temps de développer cela, de vous montrer comment c'est venu dans l'histoire. Donc c'est venu, c'est hors. Après, on a mis le film tout de suite. Après, mon grand pasteur est sorti. Après, les écoles de vie sont sorties. Il n'a pas été dans la vie. D'accord? Maintenant, revenons à la fondation. Sinon, nous le deuxième film. Chapitre 8, verset 2 et verset 3. Chapitre 8, Actes des Apôtres, verset 3 dit: Saul de son côté ravagé l'église, pénétrant où? Voilà. Pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc, comme on est venu, il a fait un port à la maison. Tandis que les gens sont venus dans la maison. Vous comprenez? On cherche des maisons de croyants. On a un peu fraîche. Les gens qui disent qu'ils croient là, on les amène. Préparez-vous. Vous ne pouvez pas faire un peu de non. La sœur, c'est non, c'est seulement virage du tout. Elle n'est pas au milieu d'eux. D'abord, vous me connaissez ici. Moi, c'est aussi. D'accord? C'est non, c'est même le pouvoir du plan. Il ne passait même pas ici aujourd'hui. D'abord, même quelqu'un vous connaît ici. Donc, on dit qu'on est en train de chercher les chrétiens pour aller jeter ou en prison. D'accord? Avançons, avançons. Chapitre 9. Donc, l'autre, il faudra faire un commentaire que Fabien Maréchal n'a pas fait un commentaire. Regarde, chapitre 9. Ça, c'est quand le Seigneur Jésus se révèle à Saul. À Saul, et puis il parle à Anania. Vous voyez, elle dit dans verset 11, regardez. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Vous avez vu? Jésus aussi connaît l'identité exactement où ton appel se trouve. Après, c'est mené ces choses. Alors, il n'a pas sorti. Pas dans la rue. Pour la maison de Judas. Il n'a pas sorti pour Saul. Vous comprenez? Pour les choses du Seigneur, on avance. Chapitre 10. Ou bien, plus chapitre 9. Plus chapitre 9. On va y revenir. Verset 36 maintenant. Regardez. Verset 36. D'accord? Verset 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de moins. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre pour. Donc, ici, c'était la donnée de nous. On peut le faire. Quel mot meurt là? On va mettre à la main. On va chercher le pied. C'est ça. Oui, vous voyez, n'est-ce pas? Ok, vous en mettez le garçon est caractère. Pierre demeura quelque temps à jeter chez un pourvoyeur nommé Simon. Donc, Pierre était à Jopé. Quand il est chez Jopé, il cherche la maison d'un chrétien qui est là-bas. Il demeure, il commence à habiter là-bas. Pourtant, il a une maison à Jérusalem. Vous savez ça, n'est-ce pas? En fait, lui, on va voir sa maison. On va voir la maison de Jacques. On va nous voir la maison de Philippe. On va voir la maison de Jacques. Vous savez, tous avaient des maisons à Jérusalem. Chacun a sa maison. Vous allez voir dans la Bible, bien aimé. C'est comment je dis. Vous allez voir la maison. Vous y êtes? Vous êtes toujours là? Autrement dit, les premiers chrétiens, à partir d'ici, on commence à comprendre que les premiers chrétiens savaient évidemment que l'un vient des étrangers sur la terre. Ils ne s'attachaient plus à un bien matériel quelconque. Alors, la faute de Dieu ne s'attachait pas à un bien pour dire que nos femmes ont utilisé sa location. Que personne n'y a. Moi, je suis en tout cas pour vous qui avez une location. Alors, lorsque Jésus-Christ quitte la scène, les apôtres commencent à comprendre naturellement. Quelqu'un dit naturellement. Naturellement. Ils sont des étrangers sur la terre. Ils sont des étrangers sur la terre. Donc, ils ne s'attachent plus à des biens matériels. Quand il quitte Jérusalem, c'est comme il parle de faire l'envoyer chez quelqu'un. Et quand il parle là-bas, quand Dieu veut envoyer par le chef, Dieu donne exactement l'envoi du coup. On ne trouve pas. Et maintenant, on va toucher dans ces cadres des maisons, on va toucher les milieux, l'hospitalité avec l'hospitalité avec les milieux. Nous on touche ça. Ça, c'est une gangrène dans le corps du Seigneur. D'accord? Après qu'on ait compris cette fondation-ci de la maison, notre maison à la disposition du Seigneur. Deuxième chose qu'il faut comprendre, qu'on comprend les murs. Ce qui peut engendrer les murs dans l'hospitalité. Sinon, on perd toutes les grâces et les bénédictions qui sont collées sur le fait de recevoir quelqu'un des visiteurs. D'accord, bien aimé? C'est important que les chrétiens comprennent cela. C'est l'une des choses qu'on appelle la saine doctrine. La saine doctrine, ça ne veut pas dire que tu restes sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu, sur le monde, sur la vie. La saine doctrine, c'est la vie, l'extension de la vie de Christ à l'intérieur de toi se manifestant. C'est ça la saine doctrine. D'accord? Voilà. Donc on a compris là, les enseignements écrits et comment on y marche. Il ne s'agit pas d'aller rester une succession de prières. Tout dit, c'est que le Père a dit qu'il ne va pas dévoiler. Alors vous avez une prière, il faut nous brûler sur toi. On avance. On y va. Chapitre 10. Verset 1 à 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Cornée, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu constamment. Donc, voici un militaire, un capitaine de l'armée. Il n'était pas infidèle à sa femme. Jamais, on croit que le militaire, il faut délivrer. On dit que celui-ci priait Dieu. Il n'était même pas un juif. On dit que c'était un centenier romain, italien. Donc, on dit que c'était un peu païen, mais il craignait le Dieu. Il craignait Dieu et il servait Dieu avec lui et toute sa maison. Et à cause de cela, l'ange a sorti du ciel pour envoyer pour qu'on puisse prendre pour lui annoncer ce qui était nécessaire pour qu'il soit sauvé. Faites compris, tout à fait bien. Ok. Donc, quand cette personne-ci va croire, et vous remarquez, vous prenez le temps de lire chapitre 10, d'accord? Vous allez voir, toute la maison va croire, et vont me demander au père de lui encore un cas de temps chez lui. Le militaire n'était pas que désolé aussi du terminant, du terminant de lui, du terminant de lui. Le père pour tout ça, c'est aussi depuis le début. C'est que nous sommes en train d'expliquer dans le Nouveau Testament comme ça, n'est pas nouveau dans le plan de Dieu. D'accord? On va passer à l'autre. C'est que nous sommes en train d'expliquer comme ça, n'est pas nouveau dans le plan de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez la venue de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3, dans le livre de Luc au chapitre 3, quand Jean-Baptiste est venu, le peuple allait vers lui pour être baptisé. On entendait, on voulait entendre ce qu'il a à dire. On dit quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est le peuple venu vers ailleurs, si vous tenez là au haut de la lumière. Qu'est-ce que nous devons faire? Il dit que c'est que Dieu a Dieu unique. Donc nous avons ici dans le monde. Frère, est-ce qu'il faut que Dieu ressuscite? Si c'est encore quelqu'un d'ici, vous dites quelque chose comme ça. N'est pas ici, tu es dans la loi que aime ton prochain comme toi-même. Vous pouvez donc longtemps, il s'est détourné de la voix. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il va lui dire la même chose. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quelqu'un a des habits à la maison. Il peut être salué comme ça au salon, il sort, il entre en ville. Vous devez parler encore, il porte notre habit. Vous venez serrer la maison, il porte notre habit. Vous voyez qu'il se voit à la maison. Quelqu'un d'autre n'a pas d'habit. Après, on pose la question, oh Seigneur, il n'a pas du tout. C'est pas comme ça. Ça, c'est la l'ordre des émotions. La norme spirituelle, c'est que je ne sais pas ce que l'autre de ça. Le principe spirituel dit quoi? Fais à autrui ce que tu voudras qu'on te fasse. Donc, si tu vois quelqu'un qui est nul, tu dois l'appeler. C'est le principe qui est écrit dans Ésaïe chapitre 50. Je parle dans le jeune tel que Dieu veut. Ésaïe 50. Il dit si tu vois un malheureux, mais avise-le. Vous savez, je vais commettre un pont. Il y a plusieurs ponts qui sont de mettre là pour avancer. Parce qu'il faut que je donne des explications claires pour vous saisir. Cette chose va pas compris à amener dans la dérive de ce qu'on appelle les organisations des orphelinats. Les chrétiens ont voulu créer des orphelinats qui est contraire à la parole de Dieu. L'idée est noble, mais c'est contraire à la parole de Dieu. Les chrétiens ont voulu créer les hôpitaux, les écoles. Vous allez vous fracasser, mais la qualité, je parle de la parole de mon Dieu. Donc, si vous êtes prêts, c'est votre problème. On a que deux royaumes, le royaume du haut. Le royaume du haut n'a pas besoin d'hôpital. Le royaume du haut n'a pas besoin d'éducation. Le royaume du haut n'a pas besoin de l'opinion. Le royaume du haut fonctionne. Nous devons nous donner le pas que c'est la constitution du ciel sur la terre. Nous avons dit ça, n'est-ce pas? Alors tout est régi d'après ce fonctionnement-ci. Donc les gens ont commencé à appuyer. Nous devons les partir maintenant chercher des partenariats en Europe. Je veux qu'on s'en là. Alors maintenant, les Africains font quoi? J'ai un ami en Europe qui est pasteur, qui peut te porter. Alors, il faut que je cherche en Europe. Alors, parce que j'ai appelé, je pense que non. On a un contrat en Europe, il va venir le créer, je n'ai pas construit. Les gens croient peut-être que c'est bien. Les chrétiens qui ne connaissent pas la vie, après, alléluia, gloire à Dieu. Dieu ne connaît pas ça. Il dit, Dieu ne connaît pas ça, le Dieu d'Alim ne connaît pas ça. Donc, Dieu n'a pas envoyé les chrétiens sur la terre pour créer les orphelinats. Enlevez ça dans votre esprit. Hein. Dieu n'a pas envoyé les chrétiens sur la terre pour créer les hôpitaux. Dieu n'a pas envoyé ça. Dieu n'a pas envoyé les chrétiens sur la terre pour créer les centres de formation des anciens yoyens. Il dit qu'on m'a donné quoi que ce soit. Dieu n'a pas envoyé ça. Dieu a dit qu'on fasse déjà les disciples qui vivent la vie de Christ. C'est ça que Dieu a envoyé faire. D'accord? Alors, parce que vous n'avez pas créé le bon système d'éducation. Vous pouvez vous avez adapté au niveau de l'éducation. Donc faites attention. Et vous ne pouvez pas appuyer pour vous mettre dans vos deux résultats qui sont équivalents pour eux. Vous ne pouvez pas confronter deux réunions comme ça. Ici, c'est comme dit, si vous comprenez ce que si le résultat du statut de vous enseigner, vous pouvez me dire un pèlerin, ça devient un problème. Si vous comprenez ce que c'est qu'un étranger dans un pays, ils comprennent comme des étrangers sur la terre. Si vous compreniez cela, ça devient un problème pour tous les gens qu'on avait dit ici. Si on comprenait ce que c'est qu'un pèlerin et qu'on voyageait sur la terre, un voyageur, quand tu voyages dans un pays, quelque chose, tu n'as pas à vous construire des usines. Vous n'avez pas là pour établir les choses. Si vous n'avez pas fait ce qu'il a fait, c'est comme ça que les chrétiens se considéraient. Voilà pourquoi ils viennent nous aider facilement. Parce qu'ils avaient compris. Je dis, c'est dans le bien, je donne maintenant, comment on va faire? C'est pour ça qu'on prend les gens quand on fait des universités. Et si on est trois méthodes, qu'on va faire? Comme si aujourd'hui, deux ans après, que les gens pensent ça. On est en mystique qui avait pu se rester dans les maisons. Premier jour, 3 000, deuxième jour, 5 000, 8 000. Personne n'a dit que non, j'ai mon terrain, allons vendre. Les gens qui vendaient plutôt le terrain, ils nous donnaient plutôt l'argent. On dit, c'est bizarre. Donc les gens ont besoin de la maîtrise chaque jour. Quelqu'un dit, à chaque jour, c'est la c'est la vie de la vie là. Donc vous allez choisir quel des murs de les suivre. Vous allez choisir quel des murs de les suivre. D'autres encore ont compris ce qu'on appelle les fêtes de la récolte. C'est grave. On fait les gens des bananes, les diaphrains et les anglophones aiment ça. Regardez les églises presbytériennes. Et qui sont les champions pour cela? La fête des récoltes. Allez, c'est là, pour le monde, ça vient là-bas. IPPB, regardez bien. On bloque carrément la route, parce que les policiers sont là pour bloquer la circulation. Vous dites, c'est quoi? Ça fait de la récolte. La brasserie libre qu'en direct, les cartes sont sur la route. Les gens bloquent la route. Écoutez, ce n'est pas la Bible de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On est allé très loin. Il faut qu'on revienne. Et on peut revenir. Je pense que nous soyons des gens qui refusent catégoriquement toute compromission. C'est des cas que j'ai écrit dans la Bible. Si on dit c'est A, dis que tu penses que c'est seulement A, tu dis je pense seulement A, parce que si Dieu avait dit que A plus quelque chose, il aurait dit A plus quelque chose. Vous comprenez, j'ai dit. Je vous aime tellement. Et lorsqu'on commence à comprendre, arrêter dans ces choses, vous commencez à comprendre que les choses de Dieu sont saines. Vous les monnayez plus les pasteurs. Alors vous allez voir, maintenant, on a des pasteurs qui sont les maintenant des marabouts. Tu as un problème, tu as un pasteur, tu as un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants, ils ont des enfants. Alors les pasteurs sont allés maintenant, ils appellent le bureau de réception. D'autres ont écrit maintenant à l'entrée de bureau clinique spirituelle. Donc les cliniques spirituelles ont fait un agent pour résoudre ces problèmes. D'autres ont des secrétaires que pour entrer, il faut d'abord acheter l'autre allié, un budget d'eau à 1000 francs. Ils ont signé un commerce, une alliance avec les sociétés de production d'eau minérale. Avec l'huile là-bas. Donc, que tu entres, si tu as la touche, tu vas le passer pour le salut, tu achètes quand même l'eau. Tu n'as jamais vu l'eau à la maison, une meuf ici, l'eau c'est spécial. Pourquoi vous entendez des choses? Pourquoi? Parce que les gens ont enlevé le regard du Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi, et ont mis la foi dans les êtres humains qui sont en train d'utiliser par ces Jésus, qui n'est pas le frère de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16 dit, mes chers amis, qu'il y a une nouvelle qui nous a été inouïe. Approchons-nous les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience. Approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir du secours et du secours dans nos besoins. On n'a pas dit ça seulement des pasteurs. Il a adressé cela à tous les croyants. Vous comprenez? Donc si vous êtes croyants et que vous avez été purifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, vous avez accès au trône de la grâce. Ça ne fait pas que chacun n'ait pas sa fonction. Vous comprenez? La porte de Dieu qui avait toutes ces révélations, vous allez voir plus tard, on va venir dire que priez pour moi. Priez parce que si je ne pas vous priez, je vous serai relâché. Donc il savait tellement que les prières croyants, on va prier les uns pour les autres. voyez n'est-ce pas, c'est notre vraie union de l'amour. La manifestation des soupirs, de l'espace que l'autre de ça, de prier pour le faire. Vous entendez, mes chers amis? Donc, les pasteurs ont des bureaux. Pasteurs ont justement contacté tout par contacté, passer au secrétariat du pasteur. Secrétariat du pasteur. Le grand pasteur des prévus, Jésus-Christ, son secrétariat, c'est où? Il dit, son secrétariat, c'est où? L'église. Donc, vous voyez clairement que l'église de notre groupe est bien et enfoncée dans le monde. Prenez une structure, soit d'avocat, soit une entreprise, enlevez la plaque qui est là-bas de l'église et vous ne le voyez pas tout court enlever. Il est tout court. Donc, les principes qui sont dans l'église des nationales sont les principes qui sont dans les entreprises. Il y a des gens qui marchent par derrière les plaques. Pas vrai? Que tu as envoyé de ton livre de à Shalom Zabou. Dimanche matin, il y a déjà le groupe de questions qui sont avec le truc qui venait à dire tout le monde. Ton problème, c'est prendre les cigarettes, alcool, tu ne veux plus te distraire, tu veux te suicider, dis à l'autre église, ou bien contacter tel niveau. Quelqu'un qui peut te suicider. Donc, lisez un peu seulement en commentaire, mais il y a une autre vidéo parce que. On a calqué les choses du monde qu'on a intégrées à l'église. Pourtant, frère, ce qui me surprend, c'est que la Bible, elle a depuis, ça n'a pas changé. Les gens pensent là, et si le public met la Bible dessus, il faut autre chose. La femme qui porte le pantalon avec le rouge à lèvres, le djoujou là-bas, comme ça peut être prié. Elle met la Bible là-bas, dans ce livre-là, on lui a interdit d'enseigner. Elle fait cette phrase, c'est Alléluia! Quel Alléluia! Quel. Pourtant, Dieu a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Quand elle va lire ça, elle va dire non, c'était dans un contexte que vous ne comprenez pas. Elle comprend mieux. Elle comprend mieux que la porte chose. Quand quelqu'un dit que ce n'est pas l'église. Or, la Bible déclare clairement que c'était écrit pour tout le monde. Il y a Timothée au chapitre 1, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, que afin que l'État de venir, que tu saches comment se comporter dans l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Que dans toute l'église de Dieu, dans l'époque où l'église de Dieu va invoquer, c'est là-bas la colonne et l'appui de la vérité. Il dit qu'il ne peut pas venir en dehors, qu'elle tienne dans le silence. Vous voyez? Donc, bien aimé, frère, toutes les dénominations sont dans la Bible du genre. Qu'est-ce que vous allez dire? Je vous ai dit que les choses que je vous ai dit depuis, c'est un gros paquet. Un gros paquet. Si on commence à détailler, vous allez voir le mal que la dénomination fait avec les yeux. Vous n'allez plus user des sentiments. Il y a un bon pasteur là-bas. Ce n'est pas une étalée, pas qu'il soit bon ou pas. Il s'agit de oui ou non au pays qui a la règle de l'écriture. Si vous prenez les pharisiens, vous mettez ici, la personne qui respectait le commandement, c'est Jésus. Mes chers amis, je veux le supprimer. Et vous prenez un pharisien, un bon pharisien, vous mettez là. La porte du fond. Il était irréprochable. Vous savez ça? Regardez, prenez Jésus. Il attend vendredi, il fait rien. Il attend Jésus, il fait rien. Ça ne dit pas, il vient de se guérir. Vous prenez le bon Jésus. Tu ne peux pas l'accepter, tu ne peux pas le pécher avant de laisser laver le même moment. Jamais. Les pharisiens, ils doivent croire les autres. Pour se laver le même moment. Il dit, il manque la voix. Il manque de toi, toi. Vous pouvez vous dire, tant que tu es parlé, lâche ta voix. Vous comprenez? Qu'est-ce qui ne va pas au bout? Alors, Esaïe va dire que c'est un peu précepte sur précepte, un peu par-ci, un peu par-là. Toutes les tables, il a dit, toutes les tables sont pleines. D'autres encore maintenant, plus pour que les autres, ont sorti des livres où on bâtit maintenant les hôtels à Dieu. Les hôtels, comment prier stratégiquement à 15 heures pour bâtir une hôtel de Dieu en vous. Donc, ça pas d'alliance qui a fait avec ça, c'est que je te donner une révélation. Si tu parviens à convaincre les gens de bâtir quelque chose à la maison, tu ne vas pas ton argent. Alors, ces gens-là sont des supports, des contacts avec le témoin que celui-là sert. Parce que le seul hôtel qui vous a été bâti, c'est dans les cieux. Le seul lieu de contact, c'est notre budget spirituel avec Dieu. Il n'y a pas de nom. Vous n'avez pas l'impression que vous allez mettre une clé comme ça, vous pensez que c'est mieux, vous passez, vous allez faire une alliance avec toi. Écoutez, encore ceci. Ce n'est pas un être humain qui décide de faire une alliance avec toi, c'est lui qui décide de faire une alliance avec toi. Que j'ai fait alliance avec toi, tu es qui? C'est un grand qui décide ça, c'est un grand. Quand tu tombes dans le bureau d'un directeur, un directeur humain, tu vas dire, bonjour, monsieur le directeur, ce qu'on a dit ça, la prochaine soirée va dire que garde, mais Dieu ne le dira pas, frère. Tu te comptes, il faut qu'il dise oui, en tout cas, il faut qu'il le fasse. Tu vois, d'abord, mais on a réfléchi en français, comment tu vas bien agencer les mots. Et ça, c'est un mortel. Il dit que Seigneur, s'il ne me répond pas, tu sais qu'on doit des mortels là à Dieu. On est en deux jours, mes chers amis. J'ai demandé pour qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Et vous passez par les mains, quoi. J'ai le droit d'avoir besoin qu'il a fait la belle vie. Il dit, Dieu m'a ordonné de lui, et je suis sûr que ça prenne vie. Quand on va la vie, vous souvenez, les Thessaloniciens avaient vécu cette chose aussi. Et ils pouvaient être comme des sujets de gloire dans les autres églises de Dieu dans le monde entier. C'était avec que leur foi devait être unie. Alors, Dieu veut que nous prenions ici comme prémisse, afin que nous comprenions que les gens qui s'attendent avec tourner les plans, d'abord, on ne peut pas vivre comme on peut vivre ça dans cette pièce. Et il y a une chose qui est là. Remarquez très bien que tous les disciples, parce qu'ils ont vécu, n'ont jamais eu de manque. Les disciples qui ont vécu ceci, ils n'avaient jamais eu de manque. Mais nous, quand même, tu vas vouloir faire ton champ, quand même, tu vas vouloir faire le beau, tu vas voir tellement que tu sais faire le désir. Pourquoi? Parce que cette satisfaction que tu allais chercher, c'est que il faut que ton père se repose. Parce que tu as une satisfaction pour la faire. Et le monde n'a pas encore compris. Dieu veut donc que nous vivions cela. Donc, première observation, nous le mettons, continuons. Chapitre 12. Car le chapitre 12, les questions des périodes de plein sang levé où on va faire tuer Jacques par l'épée. Et on va voir que la chose lui est bonne, il va aussi appeler à attraper Pierre, mettre en prison. Là, je résume rapidement, pour ne pas converser, d'accord? L'ange va venir du ciel, venir libérer pour Pierre, le faire sortir de la prison. Et la fois qu'il va vous embrasser, il va nous avoir que l'ange là, il sait, il croit qu'il rêvait d'avoir une telle. Il va se rendre compte que l'ange, c'était vraiment rien, il va se dire, c'est vrai, c'est rien. Après avoir réfléchi, c'est un mot, c'est 5 ans, c'est tout à la prison. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, qui se nommait Marc, où beaucoup de personnes étaient venues et priaient. Donc, la tante de Barabbas, la tante de Barabbas, la mère de Marie, c'est Marie, Jean-Marc, la tante de Barabbas. Donc, la mère de Jean-Marc, sa maison était devenue la maison où les gens se réunissaient pour prier. On a pas donné l'information qui s'est dans la maison qu'on priait. On n'a pas dit quelle est la chef de l'église devant de ta maison. Sauf que quand elle ouvre la maison, il devient le chef. Si vous comprenez. Comme les pandémies ont été embrouillées, que si je ne suis pas là, ma femme qui est ici. Donc j'ai une empire familiale. Si je meurs, mon enfant va me remplacer. Donc c'est son royaume. Donc il a fait l'avoir réfléchi. Quand il s'est rendu compte qu'il était libre. La première chose qui lui a passé, c'est que où sont les croyants. Vous avez ça après, vous avez ces réflexes à l'époque. Où sont les croyants? Alors nos vies sont tellement tordues que quand on était pas, on a des boîtes, des on ne souhaiterait pas qu'un chrétien passe ici. La plus espérée, c'est que si on me voit dans ces positions, on me voit avant de vous avoir fait un frère passe. Tu vois, donne la position, cache-moi. Qui me voit dans ces positions aussi. Quand il a réfléchi, première chose, il a les croyants auquel l'approche la plus proche ici où les gens prient. Il a compris chez Marie, la mère de Marie, les gens sont prises. Il va arriver à la côté. On va ouvrir la porte parce qu'il a plein de prières. On va ouvrir la porte, la c'est pas gros, là, on va ouvrir, on va dire, ouh, il y a une petite ressource. Après, il a continué. Vous comprenez? Donc, les apôtres passaient de maison en maison à Jérusalem pour enseigner. Les gens qui croyaient, donnaient la maison au Seigneur. Ils auront passé avant pour les donner les enseignements. Et le problème de la vie, on ne peut pas tout. C'est pour ça qu'en Bible, je vous dis que si je viens encore un jour vous dire que achetez du terrain pour qu'on construise l'église, priez-moi jusqu'au dernier bout. C'est pas que j'ai des vies. Mais laissez en prier que je ne peux pas tenter cela. Vous comprenez? Donc même si l'oppression vient de l'État, quand on ne voit pas là, on va prêcher. Écoutez bien, si mes chats de cette décision m'envoyaient quelque part, la seule possibilité c'est qu'ils mourent. Et ils ne peuvent pas mourir tant que la mission pour laquelle je suis venu est arrivée. Vous comprenez ça? Quand on cherche la côte d'Ivoire, il était à l'école. Le chat va être fermé. On est venu aussi là-haut. C'est l'ancien abusé. Moi, je suis venu ici. Pour le chat, il part à l'école. Le chat va faire un pas à sa foi. Mais là, on va plus nous appeler plus déjà pour manger tes téléphones. Vous comprenez quoi? Donc, si vous êtes nus, il y a une nuit vraiment. Et que c'est la colonne est derrière. Je ne sais pas qu'elle soit venue. C'est comme ça, avant de dire, ouais, mais comment tu ne peux pas dire? Parce que comme ça, elle a dit, ouais, comme ça, la Bible. Donc, on avance. On va finir. Vous êtes comment la Bible? Chapitre 16. Vous avez dit, pourquoi on va 76, verset à lire. On est tous quelques cinquièmes comme ça là. Donc, je ne peux pas vous dans cette question, même pas le livre. Tout ça, on va d'abord la cause de Christ. D'accord? Il faut que ces choses soient prêchées pour que quand vous ayez sorti, vous ayez une base solide afin de pouvoir répéter le contexte. D'accord? Aucun pasteur n'aura de place à la vie pour monter, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est-à-dire que quand on finit le culte, on donne les autres. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y en a pas, ça ne se finit pas dans la Bible. Il faut que tout le monde dans la Bible comment le culte s'est passé, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on faisait les offrandes? À quoi est-ce que ça sert les offrandes? Comment est-ce qu'on le fait? On n'a pas ces questions-là. Pour que les gens comprennent. Alors, maintenant, on ne donne pas les offrandes. C'est pas ça, on n'est pas là pour les discussions. On est pour faire ceci et pour voir ce qui est vrai. Pour que quelqu'un d'ici imagine. Pour que plus d'un n'est pas devant Dieu qui ne connaissait pas. Si on prêche le pasteur, c'est parce que le pasteur sait justement que s'il veut prêcher selon la Bible, on doit le prendre par les écrits. Et alors, dans ce cas, il va voir maintenant que je vais le blesser, parce que le danger que le Christ donne sa vie pour le chauffeur. Vous comprenez pas? Alors maintenant, je ne peux pas donner sa vie, mon cher ami. Voilà pourquoi, quand il est les gens, il compte les offrandes du jour. Il voit que les gens ont le verset, mais il n'y a que les flèches sur les pièges de feu jaune. Prochain dimanche, vous allez le sentir là-bas. Vous allez lui dire, là, il ne passe pas la nuit, les jeunes, c'est pour vous. Vous, c'est vous qui payez la maison. Vous payez la suite, vous payez l'éducation, mon enfant. C'est vous qui l'avez envoyé la suite. Il est serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Nous, c'est pas qu'il s'appelle serviteur de Dieu. Alors, son trésor est payé, il n'est pas pour le souci au ciel. Vous êtes vraiment mon juste, il ne vivra pas la foi. Dans l'époque laodicéenne, l'époque laodicéenne, l'époque matérialiste, donc l'époque charnelle. Donc, on est plus charnel que spirituel. Et par contre, quand on va vivre dans la satisfaction et dans les loisirs, le plaisir et la chair. Et la Bible déclare, l'apôtre Paul a donc reçu dans les mandats, a dit qu'il prenne soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La luxure. Quelle marque d'habit on se reprend derrière? Vous, les deux chers voisins, vous reprenez derrière. Chalet Paris, vous reprenez derrière. La luxure pour la délivrance. Vous voyez ça, n'est-ce pas? J'ai suivi la prédication d'un pasteur nigérian. Il disait qu'il a passé au Nigeria pour que son cellulaire ait encadré les roses de l'eau qui est. Je pense qu'on a fait roses de l'eau. C'est quoi votre nom? C'est pas de voiture. Je suis la prédication, j'ai gardé mon temps à l'esprit parce qu'il voulait savoir de quoi il est question. Il disait qu'il y a un objet, qu'elle est sortie de la vie, elle a mis une vie, elle que les roses criaient. On ne veut plus demander au monde dans les croyants. Donc les roses, on disait qu'ils sont fatigués, que les mondains, les communes, mais il faut qu'ils attendent qu'ils soient les croyants. Les chrétiens ont crié à la tête. Amen, amen. Je vous dis, si vous dites c'est le calendrier, j'ai la prédication. Quand il prend l'idée, c'est le gars qui me l'a donné. Les chrétiens disent Amen, Amen. Donc, quand ils disent Amen, on a dit que lui, il a construit les autres. Ils n'ont pas, ils n'ont pas comment. C'est que quand le panneau bleu qui tourne à droite, ça veut dire qu'on connaît pas. Il a construit les autres. On va dire ici. Chapitre 16, il a pris le drapeau. Vous voyez donc maintenant que c'est inutile dans les dédier aux gens qui venaient, c'est pour une heure de temps, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas le contrôle sur ces choses-ci. On n'a pas le contrôle. Si on fixe le temps, là-bas, on est plus sélectif. Si on fixe le temps. Et dit que c'était ici, on est démons qu'il faut chasser tout à l'heure. Quelqu'un pourrait me regarder là-bas même. Acte chapitre 16, on y va. Donc, tout à l'heure, si le Saint-Esprit fait comme prix, si vous êtes, vous ne pouvez pas qu'on chasse vos démons. Sortez, vous pouvez sortir, allez faire la réplication du homme. D'accord? Si vous êtes, vous savez que quelque chose vous terrorise à l'intérieur, le moyen avec lequel on peut les terroriser. D'accord? Donc, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas fatigué, si vous voyez, vous êtes à l'essai. Mais demain, on reste en d'autres parties, je vais respirer un peu. Acte chapitre 16, il est question des gens et Pierre et l'apôtre Paul qui allaient dans un lieu de prière pour chercher un endroit de prière. Ils sont allés pour un coup d'eau, ils ont rencontré dans un lieu de femme. Suivons-le, d'accord? Suivons-le pas. D'accord? Nous sommes les réactions, les voyants, ce qu'on a dit, et la réaction des femmes, d'accord? Vous lisez chapitre 15, chapitre 16, il va partir du verset 12. Vous lisez. Dès là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc, il y a des femmes qui étaient réunies là-bas. Les femmes de bonne vie, les femmes de vendeuses de couples, l'association des vendeuses, comme vous avez des gens qui font des voyages en Asie. C'est la beauté qui a assisté par les femmes de grande qualité. Suivez les paroles. Pourquoi est-ce que vous parlez de quoi ici? Mon mari me fait ça. Je veux que vous puissiez. Je suis une dame de père. Mais avancez ici. C'est comment vous dites cela. Verset 14. L'une d'elles nommée marchande de pourquoi. Voilà quoi. Nous sommes comme ça. Marchande de pourquoi. La ville de Thyatire était une femme craignant Dieu et elle était. Donc quand les apôtres ont commencé à parler parmi les femmes, regardez très bien, il y avait un groupe de femmes. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Donc on parle, je suis conscient que beaucoup d'entre vous sont en épée, voilà. Je dis, juste à ce moment-là, beaucoup de gens me disent que tu me parles de tout bavard. Tu me laisses partir. Que ce n'est pas respect pour toi que je te coupe du cul. Si tu es au niveau de là où il peut disparaître, c'est encore une fois, il va disparaître. Mais il n'y a pas de problème. Je vais faire mon travail. Mais souvenez-vous, chacune de vos pensées sont amenées dans l'esprit. Chacune. Sont amenées dans l'esprit. Donc, on dit l'une d'elles écoutait. Regardez bien, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Donc, pendant qu'il s'est réuni sur la terre de cause, la plupart de vous, Dieu tient en action. Au frère, savez-vous quand nous réunissons sous le nom du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous? Savez-vous cela? Alors, prends garde à tes pensées lorsqu'on se réunit devant le Seigneur. Ce n'est pas une philosophie humaine, ce n'est pas une conviction humaine. C'est une chose authentique de sa résurrection que Christ est ressuscité et qu'il est au milieu de nous maintenant. On dit l'une d'elles écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Regardez bien. Le but pour lequel Dieu lui a ouvert le cœur, regarde, la Bible déclare, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc non seulement, l'apôtre Paul parlait, il a commencé à écouter. Dieu a amplifié son cœur pour qu'elle prenne plus attention. Ça veut dire qu'elle ferme les oreilles au discours que les femmes oisives et vaniteuses parlaient au côté d'elle pour être attentive à la parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Lorsqu'elle eut été baptisée, donc elle a pu après être baptisée par vous, vous voyez, elle n'est pas la conséquence. Donc, ça veut dire qu'on prêche une femme à tout le monde. C'est pour elle que les gens sont descendus là-bas. On a trouvé une vie égarée du Seigneur. Alors, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Remarquez, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais reçu l'éducation chrétienne. Regardez la réaction de la conversion de la personne. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez d'être au Seigneur, en tout cas, vous avez vu ça? Donc, première croyante, elle comprend directement qu'elle fait autorité sur sa maison. Une femme. Donc, lorsqu'elle croit, mais aujourd'hui, quand elle est enfant, c'est de demander au Seigneur, vous, votre église, c'est où? C'est ce que les gens disent, non? Pour votre église, c'est où? C'est pas la question pour eux. Donc, la tête, on ne connaît pas ton être. Quand celle-ci a pris, personne ne lui a dit, il est sous mes juges fidèles. Quand il veut dire ceci. Si je suis assez fidèle au Seigneur, il est en qu'il puisse prendre les possessions que j'avais sur la terre. Qu'il en dispose. Chez nous maintenant, quand tu es au con, va plus voir le c'est qui? Il c'est le frère, la tirage. Dis qu'il ne suis pas là. Il c'est le pardon, madame. Tu dois résoudre le problème là-bas, là où tu as fait. C'est bien, pas le mensonge à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Regardez comment les chrétiens s'aimaient. L'apôtre Paul dira que quand on est auprès de vous, c'est tellement tendre à nous, comme un tendre, comme une nourrice, prend soin de ses enfants. Tellement vous nous étiez chers. Regardez les expressions qu'il utilise. Il ne parle pas comme ça aux femmes, mes chers amis. Il parle aux chrétiens, hommes et femmes. Il dit que quand j'étais auprès de vous, j'avais tellement de l'amour pour vous que je pouvais enlever même mes yeux même pour vous donner. Parce que vous êtes en Christ, tout en Christ. Parce qu'ils avaient la révélation de ce que signifie être en Jésus. En Jésus. C'est donc cette femme-ci, elle a pu, directement, elle a demandé que la maison soit fasse. Je dis, nous sommes en première partie, nous sommes regardés seulement les possessions de notre maison. Vous voyez les réactions des femmes. Alors, à partir de ce moment-là, si vous venez au verset 15 en haut, il va délivrer cette femme-là, et à cause de ça, on va venir trouver la paix pour la femme, on va les envoyer en prison. Après, là, maintenant, verset 26, on parle encore de ces jeunes, et elle plus ou sa maison au Seigneur. Au chapitre 16, toujours, lorsqu'ils sortent de la prison, ils vont encore dans la maison de l'église, où les frères étaient déjà là-bas. Les frères, tous ceux qui prennent dans du nom, c'est difficile là-bas. Regardez, verset 40, regardez. Oh, verset 40, ils sont maintenant les apôtres de prison. Nous avons le même chapitre. Verset 40 dit, quand ils furent sortis de là, de la prison, ils entraient chez lui. Ils disent, comme on a parlé tout à l'heure. Il dit, c'est midi. Et après avoir vu et exhorté les frères, donc les frères désormais étaient dans cette maison. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc la maison de midi n'était plus pour midi, c'était pour Christ, Jésus. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils exhortaient les frères. Donc ils sont dans la maison. Par les frères, on les a laissés. Ils ont exhorté les frères. Après, ils ont laissé, ils sont partis. Ce n'est pas la maison de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne met pas le cachet pour ça pour dire que c'est mon militaire. La maison, c'est maintenant pour ma partie. C'est mes bébés. Je ne sais pas, envoyez ma vie. Je suis le commandant en chef. Comment qui crée ce ministère? Jamais. Quand on s'en va, c'est n'est pas. Il est oublié du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Le jour où Jésus lui donne des choses à manger, il dit merci. C'est le jour qui ne donne pas. Il a passé 14 jours et 1 jour sans manger. Vous savez ça, n'est-ce pas? 14 jours sans manger, sans boire. Il était content avec le Seigneur. Mais vous vous faites deux jours sans manger. Je lui-même ne veux pas qu'il souffre. Ça fait un mari en bonne évangile. Comment tu as parlé comme ça? Écoutez les femmes, écoutez. Moi, j'ai entendu le Seigneur. Mais ma sœur a vieilli. Elle fait comme ça, elle va écouter. Attends qu'il y en a dans le premier derrière son miroir. Tu as encore cette parole là, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. Elle est quelle douleur. Alors, la poule qu'elle a laissée depuis le maquillage, elle revient encore. Écoutez, tenez. La personne qui voit la chaîne qui a gagné, mais l'intérêt n'est plus. Parce que l'intérêt là, nous renouvelle des jours en jour. C'est ce qui compte de ça. Si les rues font comme ça, si on se dit maintien, on maintient en bas. Ça va se vider. C'est quoi qu'il y a une loi comme un moulin pour cette école, c'est pas comme ça, il y a une même limite après intervention. C'est clair, maintenant c'est super. Alors on passe sur quoi, ça là. Attendez, c'est l'enquête qu'il y a une prédiction française, nous. Non, non, non, non. Donc mieux, elle ne me plaît pas. Quand on s'appelle des Français, on va vous donner tout à ça, on va les garder. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Parce qu'on écoute la voix de notre chef. Si vous comprenez l'exhortation de la pauvre, il faut qu'elle ait un conseil, messieurs, que n'ayez pas soin de la chef pour en satisfaire les combattants chaleurs. Ça fait la guerre à l'âme. Si vous comprenez. Alors c'est quelqu'un qui dit que tu es fou. Il dit bon, au-delà de pourquoi avoir quelqu'un plus grand que toi. Et comment tu es grand comme ça? Tu es grand comme ça. Tu sais, imagine, quelqu'un qui est grand comme ça. Donc, quand vous voyez les sœurs, voir les cisanes maintenant. Voir les sœurs, les cisanes. Ouais, les sœurs, parcours du temps. Donc là, il va vous détendre. Vous ne me verrez pas trop comme un humain. On n'a pas envie d'aller. Ouais, les sœurs, parcours du temps. Il faut commencer. Je fais du sport. Je ne fais jamais le sport comme ça. Je ne fais jamais le sport. Dis à ton voisin, contemple ton corps. Et dis merci au Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez quoi? David, quand il s'est mis la vie son corps, dans ses sons 139, verset 14 à suivant, il a dit, oh Seigneur, quand je contemple le voir de tes mains, la parole de Dieu fait, qu'est-ce que l'homme? Il dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis heureux pour toi, je suis merveilleux. Mon âme en a parfaitement conscience. Il dit, lorsque je disais que c'était qu'une terre informe, une masse informe, tes yeux me voyaient. Et tous les jours qui m'étaient défaités dans ton vie, avant que quelqu'un ne me fasse. Donc même les embrouilles à la suite, embrouilles de notre âme. Amen. On peut continuer avec les maisons. Nous avançons. Chapitre 16, chapitre 16, on a fini là-bas. Chapitre 17. Chaque fois, parce que je parle du Seigneur, c'est des fois, la façon de lire totalement la parole fait douleur. Mais chaque fois, il parle des versets, il lit dans le contexte, pour les gens, c'est là-bas. Donc, vous notez comme ça, vous allez à l'autre, vous lisez le verset, ça ne vous donne pas bien. Rentrez-le un peu de. Pour amener à ce bâton, pour être dans le verset. Donc, chapitre 17, verset 6 dit: ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Donc Jason était un personnage dans la ville de Corinthe alors, où les apôtres ont encore venu prêcher et bouleverser. Les gens ont amassé la ville, donc ils ont prêché la porte, ils n'ont pas vu, donc à travers les personnes qui sont entrées, les frères qui étaient là-bas. Donc chez Jason, les gens se réunissaient. Jason était un frère, sa porte était ouverte pour accueillir les frères. Vous y êtes? Ma soeur, ne dort pas. Ne dort pas. Si paraît que les clients rentrent dans la maison, tu ne dors pas. Par essayer de dormir dans un temps fort. On a chapitre 18. Vous y êtes? Chapitre 18. Dans le chapitre 18, vous savez que Claude avait commandé que tous les juifs sortent de Rome. Alors quand les juifs vont sortir de Rome, le chapitre 18 des Actes des Apôtres, Claude a sorti et demandé que tous les juifs quittent et rentrent chez nous. Alors il fallait observer ce qui va passer dans le pays, la France, à cause de ce qu'ils font aux étrangers. Observez seulement. Observez, j'ai mal à tous les pays, qui font aux étrangers. Tous ces pays-là qui maltraitent les étrangers. Même ceux qui vont parler des étrangers dans la vie, pour que si vous voyez un étranger en route, il faut que vous le disiez. D'accord? Donc, ce n'est pas l'objet de ça. La Bible déclare, chapitre 18, le verset 2 à 3, où il sort à partir de 7 ans. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il s'est lié avec les époux, il s'est lié avec les femmes. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. Il demeura chez eux. Et il travaillait, il faisait des choses. Donc, la barrière, si elle était courte, peut-être Aro était un bandit, ce n'est pas le problème. Tu es en Christ, ça règle le problème. L'amour ne se sauve pas le mal. Frère, merci à ceux que tu dors et tu veilles. Et pendant il a l'air de m'enfoncer. C'est lui qui m'a fait le truc comme ça, le frère. On va voir le premier numéro. D'accord? Alors, ça, c'est grave. Avec le numéro. Donc, il faut voir ce qui se passe au numéro. D'accord? Vous êtes d'accord? Mais on voulait que ce moment qu'on a remarqué, c'est que dans le cas, on peut que il y a un rapport, parce qu'il y a un rapport pour le passer. Donc, nous, je pars. Donc, si vous voulez sortir, vous sortez, vous voulez voir que vous allez sortir. Même si vous sortez, vous continuez. Même si deux personnes restent, vous allez continuer. Même si quelqu'un tombe, il meurt, on réveille, on le ressuscite, on le met là-bas, on continue. C'est le cellulé. Voilà. On avance. Ça fait 18 minutes. Le verset 26. Dans le verset 26, il est question, parce que dans le même chapitre, des Apollos que Priscille et l'autre vont raconter, qui étaient dans les écritures. Et qu'ils ne connaissaient que le baptême des gens. Quand ils vont le voir, ils vont leur prendre le baptême. Dans le verset 26, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Donc, disons, quand il a vu que Apollos était quelqu'un qui était baptisé, tout le monde a pu le dire, verset 26. Donc il parlait les mêmes yeux qu'ils ont appelés par les gens. Alors, la maison de Athéna et Messie était aussi pour la porte, était aussi pour l'amour. Il y a des gens qui ne peuvent pas témoigner de l'esprit des choses qui est chez le pasteur. Voici vous comprenez. C'est-à-dire que si tu viens chez le pasteur, tu tends l'amour entre la maison, tu vas être dehors. Vous comprenez. Tu apportes le sac des bananes, le sac des repos pour ajouter du whisky. Et il te parle sur mon fils, Dieu t'aime. C'est vraiment mon fils. Je voulais demander de nommer chef des diacres là-bas. Ouais, on va lâcher dans son action. Mais ça, pas chez lui. Et la fête de grâce, il avait tout encore. Aujourd'hui, c'est le pasteur qui a le droit de venir chez vous pour le nom qui nous a dit. Par conséquent, les religieux disent que là, il ne faut pas que le pasteur aller avec son ancien. Et avant ma fille, le pasteur pour aller balayer son sort. Vous avez dit, la fille qui parle là-bas, comment est-ce la femme du pasteur? Pourquoi Dieu m'a montré que ma peur parce que je ne sais pas. Pourquoi le cadre de la vie. On a dit le cadre de la vie. Et lorsqu'on dit le cadre de la vie, on a dit aussi la protection divine. N'importe quoi que nous avons. Vous comprenez. N'importe quoi que nous avons. On avance. Chapitre 21. Même d'abord le chapitre 20. Verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rendre le pain. Comme nous avons rencontré le pain, n'est-ce pas? Nous sommes le premier jour de la semaine. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec des disciples. Il prolongea son discours juste à minuit. Alléluia. Si c'est bien l'esprit, si vous êtes en train de faire ça, vous êtes content, sinon vous parlez seulement parce que c'est les gens qui disent qu'il y a. C'est comme ça. Il a prononcé sa mine. Vous commencez à comprendre que les travaux sécurisés sont une barrière dans le milieu de Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les gens, normalement, que tu as fait pour ce que tu veux, c'est parce qu'ils ont le travail qui va les contraindre à ne pas se servir. Voilà, n'est-ce pas? Il faut qu'ils soient entièrement à ta disposition. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit que tu as appelé à cette stade, à cette stade, comme tout le monde a fait. Pour nous, tu il dit que quand Dieu choisit quelqu'un, il doit assurer une tâche. Il dit pas tout le monde comme ça. D'accord? Selon la tâche que tu as pour moi, la tâche que tu as attribuée à ton ministère, et tu dois être en parallèle avec le chef de Dieu. D'accord? Donc, on dit, il, verset 8, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions assemblés. La Bible dit que c'est au troisième étage. Donc là, ils sont des paniers au troisième étage. Si vous voulez seulement voir les enfants qui sont venus, je suis dans le problème du tout. Voilà, d'accord. Donc c'est au troisième étage. Après, tous les nuits, la Bible, vous allez voir, nulle part les dimensions. On va sortir ce pas en tant que venez de celui de Paul ici. L'église ici, ça n'a pas de problème. C'est pas bien. Donc vous dites, on va dire, quel moment ça. Tu dis, quel moment ici. Il va nous mettre quelque chose. Ouais, d'accord. Pourquoi le sommeil va parler comme ça? On va encore une fois. Non. Alors, ça, les gens ne sont pas là. J'ai fait 21 minutes. Verset 8. Nous partîmes le lendemain. Vous y êtes? Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept. Nous logeons chez lui. L'évangéliste avait une maison qui apparaît. Quand les chrétiens étaient partis avec le musée là-bas, il y avait des livres et le musée là-bas, assis là. Mais maintenant, parce que les évangélistes, s'il y a quelqu'un qui est posé une autre question, quel est le rôle d'un évangéliste? L'évangéliste bat dehors, perd des jambes, donne à au pasteur qui a l'air de faire le président. Voilà la définition qui est venue. Tu dis, Père, c'est écrit où? Il ne faut pas qu'il dit. Mais le travail d'un évangéliste, tu évangélises lui. Quel est le rôle d'un évangéliste? L'évangéliste, son rôle, c'est d'aller trouver le temps perdu. Il vient dans l'église, il donne le pasteur Père. Il dit, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il ne faut pas te montrer. Qui lui a parlé? Regarde l'information. J'ai dit, il y avait une assemblée qui s'est réunie. Mais le voilà, il prêche pas, il dit, c'est l'un des sept, parce que j'ai dit, il était parmi les gens, voilà, mais comme il y a. Vous y êtes. Les apôtres Paul, Luc et autres étaient à l'aide de Dieu. Ça, Jésus, on le met chez lui. Donc, Philippe avait un Thomas, on le met avec la porte qui était pour Jésus. Donc, la famille qui était là-bas, c'est Jésus qui était pour Jésus, on l'a fait à sa mère. Vous y êtes. C'est voilà la Bible. Avançons. Verset 16. C'est le même chapitre. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisit chez un nommé Nason, de l'île de Chypre, ancien disciple, chez qui nous conduisons. Frère, je vous ai dit qu'on n'a pas dit quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Vous voyez que c'est dans votre Bible, non? Mais le problème, c'est que si le Saint-Esprit jette la Bible, comment on va maintenant comment les faire? D'accord? Si on a mis la Bible, c'est parce que vous lisez la Bible, c'est là où on a dit que c'est en haut, c'est pas en bas. C'est là la télé, on a vu. C'est là où on est dans la Bible. Là où Dieu a dit qu'il y a son côté, si on va le prêter attention sur le petit argent or. Mais la vie de Christ n'y est pas. On peut continuer? Ok. Donc, restons ici. Gardez le doigt dans le chapitre 21, d'accord? Gardez le doigt dans le chapitre 21, alors dans le livre de Jean. Donc, il dit que vous mettez le doigt dans. Regarde, c'est ce qu'on fait, c'est qu'elle met sa chaise ici, si elle est mouillée, toi tu t'assois, c'est pas vrai? Non, maman, tu t'assois par la main. Elle est venue manger là, on m'a laissé la chaise. Tu vas pouvoir avoir la lumière, pour voir, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que les gens ont dit que j'ai prometti sur vous que cette année, ce n'est pas ça parce qu'on est dans la voiture. Ah. C'est que les gens ont crié et qu'ils n'arrachent pas la foi. Mais c'est dans les vies, on n'aime pas tout. Ok. Donc, Jean au chapitre 19. Nous qui trouvons à la croix que le Seigneur Jésus-Christ va voir sa maman après les champs devant le Jésus-Christ et à la croix, quand il est en bas, c'est la force de sortir de la rue. C'est mieux de vous permettre de faire les gens ne viennent plus. Si les gens sont avec vous, quelqu'un est dans l'air. Donc, nous sommes à la croix, mesdames et messieurs, qui s'est tout pendu là-bas. Ils voient cette femme-là en train de pleurer. Après, elle regarde ce qu'elle fait. Il y a ça qui n'a jamais rien compris. C'est ce qu'elle a fait. Elle dit la croix est petite. Maintenant, regardons le verset 6. Vous y êtes. Au verset 25, regardez. Près de la croix de Jésus, c'était sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère et auprès de lui le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Verset 27, lui dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Donc Jean a fait le coup. C'est Jean-là qui sera donc Jean qui est l'apôtre qui est chaque fois il a raison de lui faire le bleu. Reviens. Voilà pour toi. On y va. On fait une angala au chapitre. Gardez le acte des apôtres, parce que l'acte des apôtres est notre acte. Il y a quelqu'un dans votre salaire. Voici pourquoi nous parlons, si on y trouve du temps pour parler de ces choses, s'il n'y a pas de temps, on prend deux ans, on parlera, vous ne comprendrez pas. Mais si on s'assoit, on va prendre le temps de discuter, on va prendre le temps, on va prendre le temps, on va prendre le temps, on va prendre le temps, on va prendre le temps pour faire les choses du Seigneur. D'accord? Lisez Galates maintenant. Galates au chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 14. Vous voyez, c'est le verset 15. Vous avez vous avez assumé, donc vous avez mis ça. Mais on va en faire ça. Verset 14, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'avait appelé par sa grâce, il révélait en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem. Mais ceux qui furent apôtres, qui furent apôtres avant moi. Mais j'ai parti pour la vie. Puis je revais encore à Damas. Mesdames, je suis désolé. J'étais d'une là. Trois ans plus tard, j'ai monté où? Pour faire la connaissance de ce passé parce que hier. Et j'ai demeuré 15 jours. Oui. Après, il m'a dit parallèlement que mais je n'ai dit aucun des apôtres, des autres, aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. D'accord? Donc, Pierre avait sa maison. On a établi que Jean avait sa maison. Où? À Jérusalem. Pierre avait sa maison. Où? À Jérusalem. Mais le marqué, quand Pierre sortait, il n'est pas pour lui chez lui. Il allait dans la maison d'une autre femme qu'on appelle Marie. Jean m'a pas dit dans cette maison de ce jour. Où les gens qui venaient, ils priaient. Là, moi, je dis, comme ça, vous êtes ici. Je suis le prier, je ne l'ai pas. Vous y êtes tous appelant. Nous allons continuer à appeler tout le monde. Dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté, sans dehors. Donc Paul avait sa maison, il a la maison, il a tellement fini la maison, il a géré pendant une année claire, pendant 2 ans. Et cette maison-là, on ne peut pas s'en aller, c'est pas son maison. C'est-à-dire que c'est l'état, les gens puissent utiliser la parole, de Dieu. Vous avez vu, n'est-ce pas? On a établi dans les écritures que l'apôtre Pierre avait son maison. Que l'apôtre Philippe avait sa maison. On a établi que Pierre avait sa maison. On a aussi établi Jacques lui-même avait sa maison. Parce que la conférence de Dieu va s'est passée sur Jacques. N'est-ce pas? Alors, les apôtres avaient leur maison. Mais ils ne faisaient pas des maisons de quartier général de leur ministère. Vous dites qu'ils sont des généraux ovatiens. Tu vas créer là-bas toutes les antennes du même nom. Si Paul crée sa part, toutes les antennes, les sous-antennes de sa dénomination dépendent de lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand la peau de fait sa part, la peau propre sa part, chacun a son général avancé. Donc, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. La terminologie générale avancée à Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a aucune signification spirituelle de Dieu. Ce sont les choses que les gens ont dit. Les types de Dieu sont là. Nous ne pouvons rien ajouter, on ne doit rien étrancher. Vous y êtes. Vous y êtes. Donc, en résumé, si vous prenez Romains au chapitre 16, là au chapitre 16, prenez le verset 23, vous allez voir comment la Bible va exprimer maintenant la parole de Romains, va parler de Jaïs, qui est son nom, si vous êtes le fils de l'Église. Donc, l'autre Jaïs, aussi qui avait pu, ça me serait ouvert au Seigneur. Vous allez voir qu'on a envie, dans 3 ans, l'apôtre Jean va lui écrire à ces Jaïs là. Il a dit que tu agis, on l'a pris, moi tu manges dans la vérité. C'est là où il a parlé du Jésus, parce que l'Église est derrière, mais c'est qu'on appelle le projet qui s'est lancé pour déranger le Jésus. Il y a une vie au sein d'Aïs, après l'Église était dans sa maison. Vous comprenez? Voilà. Donc en résumé, dans ce premier jalon, ce que nous avons vu dans ces relations, tout chrétien qui était biblement chrétien, les biens, premièrement, en parlant de la maison, appartenait à Dieu et par conséquent aux croyants. Pourquoi? Parce que quand l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, l'injonction qu'il a entendue du ciel, c'est que Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas dit pourquoi tu persécutes les chrétiens. Il a dit tu me persécutes. Parce que tu les touches, tu me touches. Donc si la maison s'ouvre, cela entre, c'est qui s'y entre? Oui, hein? Ok. Donc je commence. Tout chrétien qui a une maison de toi, n'est plus sa maison. Vous avez le droit de garder le silence maintenant et vous examinez toutes votre propriété, les titres conscients de l'homme. Oui, vous avez amené le corps. conseil maintenant doit être signé maintenant par le roi du ciel. Ça, c'est le propriété du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, amen. Amen. Ça veut dire que la réunion va se passer ici. N'est-ce pas? Donc ne vous inquiétez pas. Vous tous qui priez les visites, les frères, vous allez, je vais m'assurer à ce que chacun connaît chacun maintenant et les indications des autres soient claires. Pour que personne n'ait plus. Si vous êtes dans ton quartier, qui n'est pas fatigué, il dort du bois. C'est la vie de mes chers amis. Donc si vous avez les maris païens, c'est votre maison, c'est pour le Seigneur. Donc la qualité, c'est ce qu'il y a un peu de bois, c'est qui va nous dire que je suis fatigué. Arrêtez ça, déjà ton patron, arrête ça. Arrête ça. Ne m'aimez plus. Voilà. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 que exercer l'hospitalité. Ok, maintenant prenez 1 Pierre chapitre 4. On devait se dire là, allons dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre. Vous êtes content, mes chers sœurs? La vie de Christ en est régulière à l'église. Alors, imaginez un temps quoi que vous avez la maison, vous avez les chambres vides. Elle est presque en train d'errer dehors. Vous dites que vous avez l'amour pour Jésus-Christ. S'il vient aujourd'hui, il dit, j'avais besoin de logement, tu m'as mis dehors. Je peux dire que Seigneur, que avant nous vieux, non, c'est pas vrai. Mais pourtant, tu connaissais peut-être que tu as besoin. Et ta Bible, tu as devant toi, dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17, que si quelqu'un a les biens de ce monde-ci, et voyant son frère dans les besoins, lui ferme ses entrailles. Comment l'amour du Père demeure-t-il en lui? Vous pouvez répondre? La Bible ne dit pas là-bas que mes chers frères, mes chers enfants, ne mettent pas en parole ces hommes, mais avec action et vérité. La Bible ne dit pas ça. Alors où est partie cette action d'amour et cette vérité au milieu chrétien? Lorsqu'on se réunit comme ça, de façon sur la référence, ça veut dire qu'il y a un problème dans lequel. Comment tu es? Tu es où? Mais tu connais la méthode de Jésus-Christ. Lorsqu'on se réunit, c'est la façon sur la pour célébrer, ce n'est pas pour demander des accolades, des choses terriennes. Le verset 9 dit quoi? Après quoi? Lis là. Vous avez vu l'exemple que tu as donné? Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. On n'a pas dit l'hospitalité pour les pasteurs. Ne dis pas. Un là, c'est pasteur, c'est autre, c'est chrétien. D'accord, mes chers amis? On a dit, frère, on a dit quoi? Exercer l'hospitalité les uns. Les uns, c'est n'importe qui. Les autres, c'est n'importe qui. D'accord? On a donné les intentions sans murmure. Autrement dit, la façon dont tu reçois un saint chez toi importe plus ou mieux que toutes tes prières de Dieu. C'est fini. La façon dont tu reçois un saint. Une scène chez toi importe plus pour le Seigneur que les amis, plus que tous les sacrifices donnés. À l'instant, on a la révélation que telle personne fait partie de mon corps. Nous sommes les membres d'un seul corps. Si nous comprenons ça, il n'y a pas de murmure. As-tu déjà murmuré sur tes doigts? Comment les doigts sont comme ça? C'est qu'il faut la délivrance. Si une partie de ton corps n'est pas vrai, tu n'es pas la vérité, même si tu n'es pas fou par l'homme qui est en toi. Comment tu vas faire? Mes chers amis, si il dit que nous avons fait ce qu'on dit, le comportement, tu t'as senti, tu as fait tu poses la casquette, tu poses. Quand tu veux, va au niveau de ton comportement, c'est là. Vous ne laissez pas. La Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 9, exercer, c'est un commandement, exercer. Exercer l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? C'est la faculté d'accueillir les gens sous son toit en prenant soin de tout le monde. En donnant les besoins de Seigneur, en rendant la personne que la personne puisse entrer dans son repos. Depuis l'Ancien Testament, c'est présenté. La première fois que Abraham, notre père, dans la foi, était sur la chaîne des membres, très bien levé les yeux, il a vu trois membres, il a couru directement, il a vu qu'elle est passée, pas sans passer ici là. À côté de l'eau, vide la tête, regardez. Vite, prends les chevaux là-bas, suis ça avec le maire, on va faire tout le monde, vous allez manger. Quelqu'un dit l'hospitalité. Mais si c'est chez nous, maintenant, on va dire que suis ça maintenant, il va faire comment vous vivre. Aujourd'hui là, il dit que les consciences sont justement congelées. J'ai pris que le soleil ici se lève sur toi pour que le congélement là se tombe. D'accord. Donc, j'espère que jusqu'ici, donc, je ne me suis pas fait, il n'y a pas d'erreur par rapport à tout ce que je relis ici. Il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour que l'amour véritable, pas l'amour de l'air, pas l'amour de l'air, l'amour pratique. C'est-à-dire que quand une personne parmi nous souffre, souvenez-vous, vous avez dit, je dis encore, ne me prenez pas. Lorsque je parle de nous, je parle des croyants, je ne parle pas seulement de nous ici, parce que nous ne sommes pas les seuls croyants. D'accord? Mais il faut d'abord que ça soit, bon, que ça commence, c'est comme Jésus qui avait dit que ça soit d'abord à Jérusalem. Quand la chose sera établie à Jérusalem, pour transcender maintenant les barrières. D'accord? Donc, premièrement, au milieu de nous. De telle sorte que si quelqu'un sort de l'extérieur, il arrive à Douala, qu'on soit prêt. Si tombe dans le quartier de bon, et que les frères sont de bon, que les frères sont appuyés ces personnes, quand la personne va aller, ils vont publier que non. J'ai vu les chrétiens vivant la vie de Christ. Amen. C'est vrai. Non, tu as sali ma douche. Quelqu'un dit la douche de Jésus. Tu as touché mon plat. Dis le plat de Jésus. Dis Jésus touche ton plat. Jésus du mieux. La Bible dit. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Personne ne disait que telle chose était en rapport. Tout était commun entre eux. Donc, quelqu'un vient parce que m'a dit, où est ton plat qui est ici? Où est notre plat? Quand on a souffert pour ton soutien, tu étais là. Écoutez, dans l'Ancien Testament, Jésus a dit que ce que Jésus a fait et que les disciples n'est pas nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu les voies les sorties pour les pauvres, les orphelins, les veuves dans la rue. J'ai pas le temps d'entrer là-bas, mais je vous emmène les messages tout à l'heure. Et tout le temps va passer, je vais détailler ces messages-ci véritablement pour qu'on puisse comprendre l'ampleur. On doit vivre cela. Ça ne sert à rien de comprendre tous ces bagages. Je risque de vous suffoquer avec les paroles de Dieu. Oui. Donc il faut qu'on vive, on va doucement, d'accord? Donc, dans la Bible, donc, nous disons que Deutéronome chapitre 8, Dieu a dit quand vous serez en dehors du pays, ne commencez pas à dire que quand vous réussissez, c'est votre force, vraiment votre force. C'est l'Éternel qui va te bénir. Donc fais attention que tu ne t'enorgueillis et que tu dis que c'est moi qui ai fait par ma force. Parce qu'il y a trop fréquenté que j'ai cette force. On m'a promis parce que je suis brillant. Tu es plus brillant, gentlemen, tu es plus brillant que les qui? Tu es plus brillant que les qui? Tu es trop fort que les qui? Okay. Dans l'Église, la Bible déclare que la pose des points aux vaillants, aux agiles. C'est pas parce que tu es trop rapide que tu coupes comme moi, c'est un bête, c'est un bête, voilà, que tu arrives en cours. Non. Il a dit que c'est pas parce que tu es trop beau, que les gens te marient. C'est pas parce que tu es sage, tu vas gagner du cœur. Il dit que tout dépend pour que des temps et des circonstances. Donc c'est Dieu qui décide que tu aies n'importe quoi sur cette terre-ci. Amen. Vous comprenez, mes chers amis? Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà. C'est pour cela que le Seigneur Dieu des âges a donné une prescription à l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26, il a dit, parmi vous frères qui avez cru, qu'il n'y ait pas un grand nombre de puissants, un grand nombre de puissants et de nobles. Pourquoi il a dit ça? Parce que cette chose, comme on n'a pas compris ça, l'Église a commencé à se réunir en clan. Quand les gens travaillent, les gens commencent à se saluer maintenant par rapport à leur niveau de standing. On ne peut pas saluer un autre pauvre qui est au niveau de l'assemblée. On ne peut pas rendre visite parce que chez elle, là-bas, tu parles avant, il y a la bouffe en politique. Chez nous, là, c'est il ne faut pas faire comme ça. Le passé, la personne que vous venez pour voir est quand placement, vous commencez à trouver que le camp placement, c'est quoi? Et si j'ai dit, Dieu, tu ne touches pas mon camp placement, mais Dieu, le camp placement de Jésus. Alléluia. Alors, les clans ont commencé à se former dans le but du Seigneur Jésus-Christ. Les étoiles, quand ils se réunissent, commencent par le patois. On commence à se faire par le patois, c'est lui par habilité. Quand les basiliques du Nord-Ouest se réunissent par le patois, le boulot se réunit par le patois. Dans ton voisin, il faut que tout cela s'arrête. Un bas prend sa voix là-bas, il entend le bâtard, il dit que. Bon, bâtard, là, c'est vrai. Bon, j'ai cherché un mot, un bâtard, pour vous. Il va la dire. Alors, quand le bâtard dit quelque chose, en bas, même BOM, je ne sais pas si BOM c'est lui qui a dit, même BOM. Alors, Bamileke est ici à l'église, c'est ce qui parle comme ça de moi. Elle essaie de piquer un mot. Elle est comme ça, elle est dans la Bible. Elle pique un mot, si tu as déjà salué. Ça ne veut pas m'attendre, c'est vrai. Donc, c'est ce que vous avez dans le corps de Christ. Dans ton voisin, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, d'accord? Mais ne vous posez pas les gens. Si vous avez des choses à poser, à poser, allez les poser, poser. Ne mettez pas les gens mal à l'aise. Ne faites pas que les gens commencent à avoir des mauvaises soupçons. Vous avez commencé à parler au pasteur. Retirez-vous, parlez au pasteur, on n'en convient pas. Mais il n'y a pas de groupuscules pour que notre commence à suspecter le mal. D'accord? Il faut que ces barrières-là tombent. Il faut que ces barrières-là tombent. Malheur à toute personne qui va créer l'obstacle à l'évolution du Seigneur Jésus. Malheur à toute personne qui va créer des standards au milieu des chrétiens. Malheur à toute personne qui va se tenir et faire tomber les enfants du Seigneur. Mandat à toute personne qui va faire que la haine s'installe dans les enfants de Dieu. Mandat à toute personne qui va créer les désanimes au milieu du peuple uni de Dieu. Malheur. Malheur. Malheur. Donc, le corps de Jésus est uni. Donc, quand je dis que nous, c'est pas que nous pratiquons cela, je ne sais pas, vous savez très bien parmi vous qui ne savez pas lesquels vous avez, même pas votre pasteur, ça ne m'intéresse pas. Il dit que ça m'intéresse, même ma conduite, vous n'avez pas savoir lesquels vous avez, parce que nous ne sommes pas son pasteur. Parce que c'est celle qui a l'intérêt que je trouve. Ce n'est pas là où il est plus tombé. Tu as décidé qu'elle a tombé comme ça, tu ne vas pas prendre par là-bas. Donc, il m'a foutu du village. Aujourd'hui, c'est celui qui m'a demandé la parole, dit que je me dis à pasteur, elle est là. Donc elle est déjà le village. Ils ont les bâtiments. Ils battent quoi? Les bâtiments, ils ne sont pas déconvertis. Donc, ils commencent à choisir maintenant ceux qui sont véritablement convertis en Christ et ceux qui ne sont pas véritablement convertis. Donc il y a des conversions dans un village convertis, pas bien. Vous voyez ce qui arrive, c'est qu'il arrive dans le corps du Seigneur, mes chers amis, c'est dangereux. C'est dangereux. Puis encore, certaines églises maintenant sont spécialisées dans l'internet. C'est les pasteurs qui ont l'internet maintenant pour trouver des blancs. Ils ont des connexions pour trouver des blancs. Pour que les jeunes soeurs là-bas aient des enfants bâtards. Alors dans les églises, on peut célébrer les mariages des blancs. On célèbre, on dit non. Dieu m'a dit dans ce que cette année, tu veux célébrer 350 mariages. Alors ils portent les soeurs qui se marient pour que 350 arrivent. Quand ça n'arrive pas, ils disent que ce n'est pas vous. Ils disent que ce n'est pas vous. Donc l'église est l'église du mariage. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça, Dieu, ou on fatigue Dieu par nos ignominies, hein, et son nom qui est blasphème. Il faut qu'on arrête. L'église est devenue le lieu de destruction du passeport. Viens, je te dis, mon passeport, si lui, tu vois, qui part au bidon, on va te mettre des lignes. C'est l'emboutement. C'est l'emboutement. Ton passeport va embouter l'ambassadeur. Il ne distribue pas les passeports. Il ne distribue pas les visas. Il donne la vie éternelle. Pourquoi ça s'arrête? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Malheur aux pasteurs qui vont scandaliser les enfants du Seigneur. Malheur aux pasteurs qui vont scandaliser les enfants du Seigneur. Vous comprenez? Alors, nos maisons appartiennent à qui dès maintenant? Les deux vos frères, vous embrassez. Et les frères entre eux, ne commencez pas vos bêtises. Les frères entre eux, les soeurs entre eux. Dites-vous que ta maison, c'est ma maison. Et profitez-en pour vous indiquer la maison, là où se trouve, que je t'invite solennellement cette semaine à la maison pour vous indiquer les deux les autres. Faites-le avant qu'on continue. Que Dieu bénisse. Invitez la personne, invitez même si vous êtes récemment dans la maison. En grosso modo, c'est ça. Donc, vous pouvez rentrer ici à partir de maintenant, sachant que vous avez. Donc, vous, les femmes qui avaient les mamies en série à la maison, désormais, commencez à partir dans les cercles qui n'en ont pas et débarrasser vos femmes. Vous voulez vous laisser là. Maintenant qu'on y est, lit un verset, maintenant on passe la deuxième étape. On y va. Acte des apôtres. Quelqu'un dit acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des genoux du Seigneur. Acte des genoux du Seigneur. Allons au chapitre 4. On a dit ça aussi, revenons. Vous y êtes. Chapitre 4, acte des apôtres. Ne vous inquiétez pas, soyez-en sûrs. Vous savez très bien que devant vous, tous ceux qui me connaissent, vous connaissez mon intégrité devant vous. Et pas seulement devant vous, j'ai fait tout et tout pour être pur devant le Seigneur qui m'a appelé. Après, je ne vais pas rater ce qu'il m'a appelé pour faire. Donc, en aucun cas, je n'use des fautes ou bien de manière publique pour pouvoir vous soutenir de vos choses. Vous savez ça. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien. Mon seul souci et mon seul cœur, ce sera que vous vivez l'amour du Seigneur, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Que quand un chrétien vient chez vous, qu'il soit n'importe où, vous le recevez exactement comme un croyant, de n'importe où. Qu'il soit arabe, n'importe où, quand il est croyant, vous le recevez à la manière digne du Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est mon souci majeur. Donc, si vous voulez faire quelque chose, un plaisir pour moi, pour dire, frère Julien, parce que j'ai pour toi, pratiquez ça. Pratiquez ça. D'accord, mes chers amis? Donc, en aucun cas, je ne demande que vous venez me donner quoi pour toi. Parce que Dieu va me demander de prendre quelque chose qui va bénir la personne, plutôt que ça bénisse du Seigneur. Vous comprenez pas? Voilà, c'est comme ça que Dieu fait. On ne voit pas la langue qui comprend. Il y a des gens qui sont venus vers moi. On a envoyé, elle va avoir des personnes, il est venu, il y a 7 personnes, 7 choses qui vont arriver. J'ai décidé en sortant, il est sorti en haut dans le nom. Il est que frère, c'est quelqu'un qui a l'école biblique, qui va être sorti par terre. Il me dit que frère, c'est quoi le même page, un homme de Dieu, le même Dieu. Je me demandais, c'est écrit dans quel verset? C'est écrit pour quoi le même page, un homme de Dieu, le même Dieu? Je ne sais pas la Bible. Vous allez chercher. Il dit, va avec ton argent. Va avec ton argent. Ce n'est pas la Bible qu'on ne veut pas se tenir. Vous avez vu ça votre Bible? Non. Mais il y a une autre loi de la Bible, mes chers amis. C'est quoi avec les pasteurs? Donc, souvenez-vous, en aucun cas, je ne vais pas vous bénir. Je prierai seulement que vous fuyez de moi pour que les gens soutiennent ce qui le Seigneur m'a établi. Souvenez-vous, la grâce que Dieu donne, pour qu'on puisse donner un pasteur, vous ne voyez encore rien. Quelque chose est défini. Les gens qui ont cru par qui, quand on voit le Dieu de Saint-Esprit, commence à marcher, les paroles qui marchent, vous pouvez bénir. Je vais dire ceci, les grâces de Dieu, je ne demande pas de tout parce que ce n'est pas parce que vous avez dit que je ne demande pas de tout à l'heure. Je vais vous donner des choses. Il m'a demandé, quel est le monde de Dieu. C'est la parole. Je peux recevoir les jugements, les guérisons, les ossements, la prière, et tu passes en jugement, tu pars en enfer. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Je ne veux pas donc que l'église sur laquelle je m'a établi passe en enfer. Je ne veux pas ça. Je veux que vous soyez sans tâche ni vie. C'est l'épreuve que le Seigneur m'a donnée. C'est pour que je me ferai le soin de vous donner exactement ce qui vous est nécessaire pour que vous entrez ce jour-là bien haut devant le Seigneur. En priant, alléluia Seigneur, nous nous reposons sous l'espérance de ce que tu as fait à la croix. Vous comprenez bien aimé? Donc, après les apôtres. Nous avons le verset 34. Vous dites après moi? Quelqu'un dit j'aime le Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur Jésus. Que ma chair veut ou non. Que ma chair veut ou non. Je vais obéir à ces commandements. Je vais obéir à ces commandements. Vous voulez vous discuter de vos. Si souvent je dis que je vous ne voulez pas dire, je dis d'abord que je le répète d'abord pour voir s'il peut répéter. Non, ne me suis pas comme ça d'abord. Non, en fait, je ne voulais pas dire ça, d'accord. C'est votre droit. Si vous ne voulez pas répéter, vous dites que je non. Dites d'abord toute la phrase et je vois s'il pourrait m'adhérer. D'accord. Une fois que je dis que ma chair, dit ma chair, après, dit donc, comme vous voyez, vous allez se répéter. Vous allez se faire accomplir. Vous voyez, regardons le commandement de l'Église. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Un indigent, c'est quoi? À haute voix, frère. Un indigent, c'est quoi? Un pauvre. Donc, un pauvre, c'est pas un nécessaire. La Sainte Bible, les Saintes Écritures disent qu'au milieu chrétien, il n'y avait pas d'indigent. Aujourd'hui, voilà pourquoi les pasteurs qui prennent la prospérité se vantent que les dieux ils ont la gloire. Parce qu'ils utilisent des moyens techniques pour pouvoir avoir de l'argent. Et les gens qui sont assis là-bas, ils prennent toujours des dieux. Ce sont ceux qui prennent l'argent pour les donner. Ils se vantent pour dire qu'il a déjà fait la vie, qu'ils n'ont pas servi Dieu pour. Pour le soutenir, mon pasteur est prêt. C'est ton argent qui manque. Que chacun coupe les ressources, Dieu lui donne un voix. Il veut que chacun coupe seulement les ressources. Il fait les livres, on n'achète pas. Les filles, on n'achète pas. C'est le bois et là, on va marcher à la vie, on va dire. Mais il ne vit pas par la foi, il vit par le mensonge. parce que leur foi sur le matériel. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont l'orgueil. La Bible déclare qu'ils sont chargés d'avoir quoi? Ils insultent Dieu et Jésus. Mais toi qui veux servir comme il veut, il veut t'aider, t'es harangué. Il veut devenir 16, comment tu es vraiment devenu une puissance? Comme une humaine. Ok, tu portes le plan là, Dieu t'a exaucé à quoi? Souvenez-vous, il va bien pour nous. Toute bénédiction, toute richesse ne vient pas nécessairement de. Et la Bible révèle manifestement que la majorité des gens qui ont servi Dieu ont vécu dans la pauvreté. Bien que toi, Dieu qui a tout, soit le Seigneur. Non, nous servons le bon grand Dieu. Dieu n'a pas laissé nous faire un pauvre. Je dis à lui clairement, il va toujours le pauvre parmi nous. Il a dit ça. Or, la Bible déclare que outrager le pauvre, c'est insulter celui qui l'a créé. Parce que le pauvre, c'est Dieu qui l'a créé. Oui, c'est Dieu qui l'a créé. Ah, mais quand tu insultes un pauvre, tu viens insulter Dieu. Vous comprenez? Mais on dit, on va voir ce qu'il a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, dis, prince qui est riche. Prince qui est riche. Ouais, ainsi. Ouais, ainsi. Donc, pour le moment, on dit donc que. Non, pas pour le moment, pas pour le moment. On dit que parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Écoutez, très bien. Parmi eux, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui étaient nommés le Seigneur Jésus-Christ, parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Et maintenant, ce n'est pas que tous sont venus à Christ comme ça et n'étant pas indigents. D'accord? Vous dites, le verset suivant, ou bien le volet suivant, explique pourquoi il n'y avait pas d'indigent. Vous dites, disons. Vous dites, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Vous dites, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. 35. Et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Vous avez compris comment et pourquoi il n'y avait pas des gens, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'au milieu de l'assemblée, on voit quel chat avait besoin, quel sol avait besoin. Regardez comment c'était automatique. Et vous allez voir que ce sont les enseignements que Jésus. Ne vous inquiétez pas tout simplement. On va aller voir ce que Jésus a dit et voir maintenant pourquoi instantanément les choses ont commencé à accomplir. Vous comprenez pas? Parce que la promptitude à obéir au Seigneur, c'est l'esprit même de la foi en lui. Quelqu'un vient chez vous, vous avez 25 000 à la maison, vous en avez le seul qui est votre cœur. Comme lui, 20 000. Donc tu raisonnes Dieu, tu limites Dieu. Parce que les cœurs sont préparés à le recevoir. J'ai à disposer la chose. Le jour où il enseignait sur les lignes, là, je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi tu m'avais arrêté qu'il ne continue pas. Je ne savais pas pourquoi. Parce que dans les lignes, il dit que, oh, souvenez-vous, je vais les choses, je dis que, après, donc, je vais parler de comment le chrétien a fait ses finances. Surtout, après, la vallée, dit qu'on va y revenir. Là, je ne comprends pas pourquoi c'est écrit comme ça. Maintenant, nous comprenons. C'est nous savons. Alors, la Bible nous explique donc que les frères et les sœurs parmi eux, il y a un point d'indigence. Et quand il n'y a pas d'indigents comme ça, ça suppose que les chrétiens n'ont pas besoin de demander. Il peut parler que le monde pour commencer à demander. Parce que le monde va se bloquer les chrétiens. Si tu es un Dieu vivant, non? Nous voici, nous avons le matériel pour demander. Alors, comment Dieu a fait dans son conseil pour pallier à cette situation? Il a dit instantanément que les gens qui avaient des champs et des maisons les vendaient. Combien ici ont des champs à leur disposition? Vous avez dit que le Seigneur? Vous avez beaucoup aimé le Seigneur. Amen. Vous l'aimez? Amen. Ok, avant qu'il ne pose la question davantage, il faut qu'on entende Jésus te parler. D'accord? Si vous ne voulez pas entendre Jésus, allez faire un petit souci. Si vous voulez entendre, vous restez là, je dis ce qu'il a dit, on lit. Amen. En bas? Amen. Luc. Mettez le doigt dans ce Matthieu, dans ce Luc. Ah, ici. Vous partez de Dieu, vous êtes en train de faire du monde, vous êtes en train de faire du monde. Vous partez de la vraie fin du monde, le fin du monde, le but de votre matériel. Vous dites, Luc chapitre 12. Écoutez bien, c'est vous ici. Je ne suis pas responsable. J'ai lu ce qui est dans la Bible, Dieu m'a dit de venir parler. C'est écrit dans vos propres Bibles. Je ne suis pas là pour jouer avec vos psychologies, pour parler de pourquoi je parle, vous lisez dans votre Bible. Le Saint-Esprit avant de demander la votre conscience que c'est vrai que c'est le moment. D'accord? Église du Seigneur. Amen. Luc chapitre 12. J'ai dit, votre chair n'entendra, ne voudra pas entendre ceci. Mais prenez courage. l'homme intérieur se fortifie. Prenez courage que l'homme intérieur se fortifie parce que ce n'est pas facile. La chair et les désirs de la chair sont contraires à la voix de l'esprit. Oui, la chair et ses désirs-là, ça ne peut pas plaire à Dieu. Ok, maintenant, vous voulez entendre la parole de Jésus? Vous allez lire chapitre 12? Ok. Je vais lire à haute voix, je vais lire à haute voix les versets 32 et 33. Et vous allez me dire si vous avez entendu ce que je vous ai dit. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. À qui? Vous ne pouvez pas parler. À qui? À moi. À moi. Bon, verset 33, pour cette personne-là, pour qu'il puisse entrer dans le royaume. Évidemment, sans gêne. Écoutez. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en le monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche point, où la terre ne détruit point. Vous entendez ce que le maître a dit? Il a dit à ceux qui sont des petits troupeaux de vendre ce qu'ils ont en possession. Et Dieu le voit là-bas. C'est ça qu'il fait dire que Jésus a dit que enseigner à observer tout ce qu'il dit de précis. Quand nous avons dit que Jésus parlait en parabole, dis à ton voisin que ce n'est pas la parabole. Il pense ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il pense. Quand c'est la parabole, il utilise des langages paraboliques. Quand c'est direct, il est direct. Et on voit la pratique directe dans la Bible. Donc ici, Jésus a dit qu'on fait quoi? On vend quoi? Deuxième chose, on fait quoi de ça? Rentrons dans Actes chapitre. Voyons. D'accord? Si Jésus a dit ça, les gens ont fait ça, tu es disciple de Jésus. Amen. Alors il t'a dit ça, je ne dis pas ça pour les premiers en fait. Et si les premiers en fait, tu dois le faire. On y va. Amen. Disons encore sur la verset chapitre 4, la verset 4. Car il n'y avait pas verset 34. Car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons. Des champs ou des maisons. Des champs ou des maisons. Faisaient quoi? Apporter le fruit de ce qu'il avait vendu et le déposer au pied des apôtres. Et quand il déposait les apôtres, il disait que non, Dieu bénit mon ministère. Maintenant, les apôtres vont s'agrandir. C'est ça, non? Les apôtres prenaient maintenant, ils achetaient les voitures, les maîtresses. Les apôtres prenaient, construisaient les belles maisons avec les maîtresses en Europe. Les apôtres prenaient son temps pour voyager, pour acheter les Rolls Royce. Les apôtres prenaient pour acheter les différents avions pour montrer qu'ils ont des chars, des jets privés. Les apôtres prenaient pour construire les universités. Je faisais quoi de franchir, amis? Mon Dieu, à qui c'était destiné? On s'est accompli ce que Jésus leur a ordonné dans le chapitre 12, verset 33. Tu dois t'accomplir. Maintenant, je pose la question ici. Si quelqu'un parmi nous a deux maisons, le même que les disciples avant vous, qui a deux maisons ici au milieu de nous, pendant que vous allez réfléchir, si vous dites non, si vous n'avez pas de date ou après, je vais annoncer quelque chose pour que vous saisissiez. Vous voyez? Pour que vous ne compreniez pas la Bible, il y a la prière individuelle, il y a la prière collective. Dans Matthieu chapitre 6, quand Jésus parle de la prière, quand tu pries dans ta chambre, ferme ta chambre, et ton père qui va dans le secret, il parle des relations personne à personne avec Dieu. Vous comprenez? Donc on se réunit comme ça, c'est une chose. Quand on a dit qu'on a dit, quand on a capté les disciples, ils sont venus de réveil, ils ont ouvert la porte quand ils ont prié. Chacun va dans sa chambre pour fermer la porte, pour prier. D'accord? Mais vous comprenez le langage de Dieu. Quand il s'agit de prière personnelle, tu as tes réserves, les vêtements, ton intimité. Quand il s'agit de la prière qui calque l'intimité avec Dieu, c'est ça que Jésus parlait dans Matthieu chapitre 6. D'accord? Je suis en train de dire parce qu'il s'en est venu de ces choses-ci. Alors, dans ce Matthieu chapitre 6, il a parlé de cette prière d'intimité, il a aussi parlé de l'offrande intime. La même façon que tu pries intimement et que tu pries collectivement, la même façon qu'il y a des homos que tu fais individuellement sans que personne ne sache. Ou bien? Ou bien? Il y a donc des offrandes que tu fais, l'assemblée doit savoir. Et c'est l'une de ces choses-ci. Parce qu'on a dit que quand il vendait, il venait déposer sur les apôtres. Ce n'était pas bac-bac. C'était séance et non. Et on comptait, on dit que telle personne, c'est parce que quand il est entré, il a dit qu'il allait vendre son pas les champs à 8 millions, il venait de 3 millions, il venait dans 5 millions, son. Et ça avait conseillé tout ça, il avait volé tout ça, il avait une fois, il avait ça à manger, il avait dit qu'il avait un peu de vie. Il avait vu les gens, il avait plus de temps, il avait le voir, il avait géré, il avait. Il dit qu'il veut pas le voir. La porte vient là, est-ce que c'est comme ça? Tu as parlé de ces chances à. Ok, je vais vous dire. C'est-à-dire pourquoi le Satan a-t-il embrouillé ton téléphone où tu manques au Saint-Esprit? Frère, en entendant ta parole, tu parles de son démon. Quand Jésus est en train de dire que l'heure a sonné pour que tu pratiques ce qui se passe dans l'église, faisons attention pour que l'autre pratique ce qui est dans l'église ne se passe pas. Faisons attention. Faisons attention. Vous savez, dans une vision qui est en train de regarder, j'ai regardé un ange qui était avec moi pendant qu'on travaillait. Écoutez bien. Regardez ceci. J'ai regardé un ange qui était avec moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un est venu au milieu pour me tenter. Quand il voulait me tenter, si c'était quelqu'un, il ne voyait pas qu'il y avait l'ange à côté de moi. J'ai regardé et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-ci? L'ange a dit, fais-moi le frapper. Il dit non. Ne frappe pas, il frappe la tête, il ne veut pas. Corrige ses pieds. Mais il m'a dit corrige ses pieds. Parce qu'il ne voulait pas qu'il ne veut pas aller avec là. Je voudrais que tu s'élèves et que ça lui donne une leçon. L'ange a dit, il est venu, il est venu, il est venu, frappe. Fais attention. D'accord? Donc le Seigneur Jésus-Christ a commandé quelque chose comme ça. Faites attention. Faites attention. Vous savez, donc, quand l'apôtre était à ce moment-là, l'ange est venu là-bas pour le délivrer. Il était dans le bateau, il avait l'esprit. L'ange était là pour venir lui dire prends courage. Il était en prison, il est venu le sauver le corps. L'ange est au courant de notre mission. Dieu les assigne pour nous assister dans nos missions. Donc faisons attention. Comme nous sommes rentrés donc dans le mystère de l'amour, ce qui est naturel parce que nous sommes les fils et les filles de l'amour. Alors nous devons la vie, ça doit être tout naturel. Je reconnais que ceci a été bafoué parce que nous sommes sortis de bagages différents. Dans notre culture, nous sommes des débuts de telle personne. Alors on est dans le passé, c'est une pensée. Que les bassins, tu t'as pour une émotion. Un bassin qui aime vraiment, non, ça qu'il a été piégé. En Christ, il y a plus de piège. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Le bassaïsme est fini. Le voulouisme, c'est fini. Alléluia. Donc maintenant, tout est devenu nouvelle. Parce qu'on consomme avec le renouvellement du ciel. Voilà pourquoi toute personne qui était dans les traditions, dans les choses de l'âge, doit passer par le renouvellement de l'intelligence. Un renouvellement de l'intelligence fait à la manière du Saint-Esprit, c'est une reprogrammation des principes du monde qui était incrusté dans notre esprit en faveur des principes de Dieu maintenant. Donc on dit que c'est une reprogrammation de tes pensées. Par rapport maintenant au principe de Dieu. Quand il n'y a pas cette programmation des pensées, c'est ça qui fait qu'on trouve difficile les choses de Dieu. Par contre, je trouve que j'ai mon argent, mais j'ai souffert pour avoir ça. Je lui dis que non, tu n'as pas souffert, c'est pas grave, c'est la nuit. Il dit non. Lui, le premier temps, il saute sous la pluie. C'est ce que j'avais fait. S'il ne fait pas souffrir, il lui donne tout. C'est mon bagarre avec Dieu. Alors, tu as tout donné à Dieu. Tu as dit, tu es Seigneur. Tu as dit, en réalité, tu as dit à Dieu que sois le Seigneur de la vie physique, ne touche pas mon argent. Alors, quelqu'un qui est renouvelé, c'est que depuis qu'il est né, avant de connaître Jésus, j'étais là pour te dire sans qu'il ne le connaisse même. Il commence à voir que c'est la miséricorde. Alors il est prompt à obéir. J'ai pas eu cette voiture, je n'ai pas présenté. Les gens, la position aujourd'hui, il y a des gens qui sont meilleurs, qui sont présents dans ce monde, qui n'ont jamais eu cela. Alors il sait que c'est pas grâce. Alors il est dans l'obéissance. Alors quand quelqu'un est dans le manque, Dieu prend de là-bas parce que Dieu use de la richesse que la vie à quelqu'un qui porte de la vie. Quand tu fermes l'obéissance, tu as fait du mal. Quand tu fermes l'obéissance, quand tu donnes quelque chose, tu n'as pas de cela. Tu ne vas que d'autres en bénéficier, Dieu ferme. C'est ça les choses à nous. Donc, le peuple du Seigneur Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu sur la terre. Le peuple de Dieu, le corps du Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ est amour. Voilà pourquoi il a dit que la marque déposée des croyants, c'est pas. Après, donc, tu fais le par la musique, quelqu'un t'offre une fois que je veux. Tu ne sais pas comment faire le papa sans la musique pendant 2 heures. Tu casses la couronne sur le lit. Et tu parles en l'âme. Que Dieu délivre les corps des parents de tout. Amen. Dis à ton voisin, sois vrai en amour. Nous sommes des fils et des filles d'amour. Nous sommes des fils et des filles d'amour. Vivons l'amour. Vivons l'amour. Pratiquons l'amour. Pratiquons l'amour. Parce que l'amour est notre identité. Parce que l'amour est notre identité. Amen, mon frère. Amen. Que Dieu bénisse. Je sais comment c'est possible. Je fais des dieux là-dessus parce que la chair là n'est pas facile. Les enveloppes charnées, ça peut comme ça. Les dames là. Donc, si tu comprends, c'est mon champ qui est là-bas. Je vais vendre. Frère, vous allez nous définir. Vous montrez que les femmes allez définir parce que désormais, quand vous avez entendu ça, vous aurez le problème avec Dieu. Vous n'avez pas le problème avec Dieu, je ne vous pas parler sur lui. Vous allez commencer à faire tout ce que vous allez faire. Vous le dites. Vous allez les faire. Vous allez les faire. Donc, c'est là étant dit, j'ai dit ceci. Il y a deux types de prières. Si il veut prier individuellement, je vais dans un coin, il n'y a pas besoin de comprendre tout ce qu'on est dit à Dieu. Si il veut prier pour les prières, il demande que la sœur soit donnée. C'est autre chose. Si il veut faire une offrande à cette sœur, c'est que c'est différent pour elle. Il a dit dans la maison, il doit se mettre en place. Personne n'a besoin de savoir. C'est cette offrande que je dis, quand la même voix donne que la même bonne, ça parce que ça a donné. C'est des petits qui en ont parlé. D'accord? Le type d'autres qui sont en parlé en communion dans l'église pour qu'il y ait transparence. Si la sœur a dit dans son cas à 4 millions, elle doit le faire du même. Au milieu de nous. si je prends et qu'il y a des frères qui doivent diriger, les gens vont donner aussi les critères, les gens aussi vont diriger. Parce que une fois qu'un frère va taper le pied au sol, maintenant qu'on lui donne ça, il veut prendre l'air. C'est ma frère, il veut que tu aies l'argent. Que si on donne ça maintenant, j'avais déjà l'idée d'argent. Quelqu'un m'avait dit que si il trouve un petit son gros, il vient. Prends seulement, tu vas voir. Tu vas voir, ça pour l'éternité dans l'enfer. Donc, c'est pour ça que la Bible déclare qu'on exhorte, qu'on teste les diables avant qu'ils entrent dans leur fonction. D'accord? Les critères qui sont là-bas, ce n'est pas qu'ils soient banquiers, il n'y a pas ça là-bas. Qu'ils soient gérés de l'argent, qu'ils soient, qui est prétendu, qu'ils soient marqués de l'argent. On a dit qu'ils soient bilingues, qu'ils soient des fils. Parce que les fils, ils ont dégagé l'argent. Amen. Amen. Donc, si on vend donc ça, comme si c'est la seule qui vend son chat à 4 millions, il y avait une déposée ici. Alors maintenant, on commence à arriver maintenant dans les profondeurs des révélations de l'amour. L'amour donc, ne tombe pas le mal, ne cherche pas son intérêt. Si c'est prêt qui est dans le vrai, il a un problème, donc c'est le goût de la famille. Dit frère, j'ai qu'un problème. Mais il doit pas mentir au milieu de la famille. Parce que s'il manque, il a besoin avec Dieu. Parce que la vie est claire, ne mentir pas les uns les autres, étant du temps découvert les yeux hors et les yeux. Donc le mensonge donne pas ce niveau au milieu de nous. Sur la base de sa déclaration, s'il manque, le fait que Dieu va frapper, comme il a fait avec Ananias. Il dit, pourquoi il dit, il existe sur ce point-là. Si le frère a besoin de 300 000 pour réussir, c'est de 300 000. Dans ces 3 millions, 4 millions par année, on prend 3 000 sciences et là, on ne dit pas ces choses et on prend le commandement de Dieu de ses mains qui veut vous faire. C'est un truc la vie déjà pour le déjà. Alors, ces choses que nous faisons avec amour, et on a dû faire un amour et demi. Ça va produire. Et ces frères pourront aussi payer d'autres frères qui vont venir quelque part. Peut-être que le budget plutôt à lui, c'est que les frères de lui commencent à avoir l'amour qui manifeste, mais c'est comment? Alors, on a des budgets qui commencent à faire. Vous connaissez là, n'est-ce pas? Alors, le principe de Dieu, dont on dit dans Proverbe chapitre 11, verset 23, verset 5, que quel qui donne libéralement devient plus riche. C'est ce que Dieu dit dans Dieu. Donc, plus tu donnes une chose, tu deviens riche. Et la rosée aussi sera aussi arrêtée, le principe de Dieu. Le principe du monde, c'est que tu es pas en banque, on ne gagne ton argent dans un taux de 5%, un an par an, on manque. C'est une merde. Mais 4 millions, on est venu à ce pauvre des juniors, etc. Terre. J'ai mis ça en banque, 5 ans, j'ai comme ça. 4 millions fois 5, 4 millions, multiplié par 5. Il est obligé d'envoyer un pasteur qui fait 4 millions de salaire. À lui, hein? Il y a un pasteur qui fait 4 millions de salaire. Ce pouvoir-là, il peut être inscrit sur les gens qui font ça. Eh bien, est-ce que ça, c'est la saine doctrine? Il dit saine doctrine. Saine doctrine. Donc, si tu veux pas là où on dit, souvenez-vous, les choses de Dieu ne sont pas forcées. Ceci le faisait de façon délibérée. Quand quelqu'un a voulu faire des personnes délibérées, mais en mettant la sagesse du monde, il est tombé les morts de lui, non? Parce que la porte de Dieu va lui dire que c'était ton champ en réalité. Quand tu avais vendu, c'était toujours pour toi. Donc, si tu avais vendu, tu donnes un euro par tes forces. C'est forcé. Mais après l'avoir vendu, comment tu manques tout ce que tu fais là? C'est un peu comme quelqu'un qui a besoin de chercher sa nourriture. Il rentre au terrain, après une fois, ça ne peut pas voler la vie. Après une fois, c'est déjà. Si je me fais un peu de nourriture, car on s'en fout, ça vole ta propre bien. Comment tu vois ta propre, son propre argent, en plus, il manque. Ce sont ces choses que Dieu ne veut pas. Ce sont ces choses que Dieu ne veut pas. Je vais parler de ça, il faut que tu songes pour qu'on soit complet. Dieu n'encourage pas les paresseux et les nonchalants. Il faut qu'on voit également. Amen. Dieu n'encourage pas les nonchalants et les paresseux. C'est-à-dire que Dieu veut des gens qui sont entrepreneurs. D'accord? Qui sont prêts à travailler. Et la fois, tu vas donner les injonctions claires dans un des anciens, dans l'une des anciens, que nous avons eu parmi nous, nous avons montré des exemples clairs, que nous vous devez vivre un travail de vos propres mains afin d'avoir des fois de nos recherches sur vous. Vous savez, ça n'est pas? Amen. Et c'est le préfet que nous avons prêché parmi vous pour que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Non plus. Et dans la vie comme ça. Vous avez saisi? Amen. Voilà. Ok. Pour chaque domaine de travail, je saute dans un pas. L'utilisation donc de nos relations. L'utilisation de nos relations. Je ne dis pas du travail. Il parle du travail maintenant, d'accord? Il y a des frères qui sont diplômés. Il y a des frères qui ont. Et vous savez comment on fait pour avoir du travail ici si maintenant? Par exemple, parce qu'ils sont ici, n'est-ce pas? Je veux que vous me saisissez bien, mes chers amis. Je veux que vous me saisissez bien, ne soyez pas distrait. C'est au combien important pour le Seigneur qu'on saisisse ici. Alors, nous parlons du travail maintenant. Vous avez des relations, quand il parle de la société, des relations humaines, des gens qui sont bien positionnés, n'est-ce pas? Les frères sont aux côtés de vous. Par orgueil, parce que vous ne voulez pas demander quelque chose à quelqu'un, vous dites que vient me donner quelque chose. Non, je ne peux pas me baisser comme ça devant ces gens. Tu bloques un frère, pourtant tu as une relation. C'est-à-dire qu'un frère peut en bénéficier pour être posé quelque chose comme ça, à gagner sa vie, et comme ça, on veut abénir les gens. On peut lire. Amen. Donc, Dieu veut que tu utilises toutes les ressources pour sa gloire. Et c'est ça qui a amené les délits pour les gens ne comprennent pas comment on va utiliser les richesses qu'on a. Tu peux être riche matériellement, tu peux être riche financièrement. Donc, ta richesse peut être ton temps, tu dois mettre au service des saints. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ta richesse maintenant peut être les relations, les relations publiques, Frère, je te recommande telle chose, telle personne. Fais-le comme tu fais ma part. Et la personne prend des personnes comme il a parlé. Et la personne prend, quand il fait la personne, voilà une personne qui a un talent. Cette personne-ci va savoir que le droit de mourir maintenant pour vous chrétien. Alors il voit les personnes qui sont dans le besoin. Voilà comment l'amour de Dieu a été propagé. L'amour de chrétien. Voilà pourquoi on ne pourra jamais s'arrêter. Amen. Luc chapitre 16. Dans ce livre au chapitre 16, c'est l'histoire des colons infidèles, malhonnêtes. Disons ce que Jésus dit, d'accord? Disons. Luc au chapitre 16. Disons à partir du verset 1, jusqu'au verset 8. On va comprendre ce que Jésus dit. Donc, chapitre 16, verset 1, verset 9, d'accord? Disons, et puis, je vais prendre cette question, on va voir quelques saisons dans la Bible, vous voyez clairement ce qu'il est dit dans la Bible aussi, d'accord? Luc chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit, il a senti que son poste était menacé. Le monsieur, c'est le monsieur qui a mal fait. C'est-à-dire, si tu crées une entreprise, tu mets quelqu'un là-bas, la personne commence à vivre, il va appuyer. Sylvie passe à vivre, pas à vivre avec Sylvie. Mélanie passe à vivre avec Mélanie. Quelqu'un qui a vu ton gars appuyer dans les villes, il avait mis les pieds sur le SLK de Carota comme ça. Il dit, crie mon Dieu. Il est venu lui dire, on lui dit que, fais pas de corps grandis. Il dit que, fais pas de corps grandis parce que tu n'es. Il ne travaillera plus. Donne lui la sentence. Le gars dit que c'est grave. Parce que si il donne la sentence, c'est bon ou c'est pas bon, il ne travaillerait plus. Donc, le pasteur va parler de son côté. D'accord? Ok, verset 3. L'économe dit en lui-même, voilà, où est-ce pas? Que ferais-je? Puisque mon maître montre l'administration de ses biens. Travailler la terre. Mais un garçon me dit que tu savais déjà la terre, il dit je ne veux plus. Mander, et il dit j'en ai honte. La fille va passer, il dit que tu peux donner 5 ans, il va dans le monde, c'est bon, c'est bon, à la fin de l'année. Tu as vu l'espoir? Pourquoi tu as dit à ton voisin? Dis à ton voisin, il a 40 ans, il dit à ton voisin que. Mon cher ami, quand tu es en haut, sache que pour arriver en haut, tu es passé en bas. Et tu risqueras de chuter pour arriver en bas. Il y a toujours un choc montant en chute de haut en bas. Donc il y a les cassures et les blessures. Amen. Quelqu'un qui est en bas de tout tomber, parce qu'il est en bas. T'as un pauvre et pauvre, mais pauvre. J'ai un pauvre, s'il n'y a pas la banane à manger, il ne fait pas suffire. Il est tellement stupide qu'il est devenu voir le lit, il voit le lit. Il chante les lois et la rigueur, c'est bon. Alléluia. Mais c'est un pauvre, il a le cuveux, il dit, mais c'est pas croyable ça. Il a rien dans cette maison à manger, le langage va changer. Ou la banane qui était dans la maison aussi. Ah, c'est arrivé. Tu comprends les pas. Donc, ce monsieur, ce qui était économique, il devait s'attendre avec la gamme à lui donner. S'il est pas au moins, s'il avait ça, il avait ouvert une entreprise quelque part. On l'a quitté, il a entré dans son entreprise. Vous voyez, il voulait parce qu'il savait comment c'est l'argent. Quand il a rien de chose, on le gaspillait comme ça. Voilà, n'est-ce pas? Quand tu ne fais pas ça, il est obligé. Ok, maintenant, verset 4, je sais ce que j'ai fait, si je ne veux pas. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débutés de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Sans mesure d'yeux, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Donc il a coupé 50, parce qu'après 50, on te doit. Comme tu as fait l'avantage, si tu es obligé de venir, donc ouais, c'est la guerre d'intérêt dans le monde. Il te fait du bien, tu me fais du bien. Ça crée des relations. Donc il a laissé créer des relations. Il a laissé créer des relations avec des richesses. Vous savez, n'est-ce pas? Vous me comprenez? Ok, regardez. Verset 8 maintenant, on va suivre cela. Maintenant le verset 8. Le maître loua l'économe infidèle. Quand le monsieur de la maison, le monsieur de la maison a entendu que le maître de la maison, il a dit que vous voulez aller à l'intelligent. Il a félicité. Le monsieur qui a gaspillé son bien a félicité que le gars est un gars intelligent. Donc il a félicité le gars qui a gaspillé son argent. Que les gars sont des séries. Vous comprenez? Parce que de toute façon, s'il prend tout son argent, il vient lui donner. Il n'y aura pas d'argent, il va dire que tu as fini. C'est pas ça? Le gars dit que maintenant, il devait jouer maintenant, le chat et la souris. Maintenant, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus dit. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de l'homme. Vous voyez bien quoi? Donc, Dieu donne deux petits enfants. Il dit l'enfant de ce siècle, il parle de mon maître, c'est Jésus. Il dit qu'ils sont devenus sages vis-à-vis de leurs semblables. Donc, avec leurs semblables, ils ont appris les techniques des relations internationales. Les techniques de relations, tu me donnes, je te donne. Les techniques de relations, des signes de prévoyance, parce que si ça grave là, je ne me refuse plus sur toi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il a fait ça le pari gagnant. un bienfait n'est jamais oublié. Voilà. Avec les gars, je n'ai que frère, il passait seulement. Tu ne sais pas qu'il a plus là-haut habité. Il disait seulement que c'est le temps de se faire partir. Il donnait une semaine, il dit non, mais mon père, il est parti. Il a dit qu'il attend un mois, qu'il a voulu. Il donnait deux à un mois. Et moi, il gagne depuis 6 mois. Alors. Tu es obligé de voir ce que tu as fait du bien. Voilà, ça, c'est le monde. Mais ça, souvent, ce que le Seigneur dit au verset 9, il dit, et moi, je vous dis, il dit, Nadi, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manger. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Les principes du Seigneur du Père, vous voyez le principe? Donc, créer des relations parce que vous ne savez pas à quoi que nous voulons les amener. Tu dis, non, j'ai mon argent en banque, j'ai prévu d'aller pour mes enfants. Les enfants vont pas souffrir. Alors, l'enfant qui a 6 mois, tu as mis un compte pour lui, tu grandis, tu occupes à l'université. En tout temps, le voisin de ton frère, tu savais que mon frère était, ton enfant ne va pas à l'école. Tu attends le jour ton enfant, tu n'as pas d'enfant, tu vas grandir, tu vas aller à l'école, tu vas voir ton enfant est brillant, tu vas voir ton enfant est malheureux. Tu ne sais pas que d'après la Bible, tu vas utiliser cet argent, envoie cet enfant à l'école en disant que les scènes dans la vie de cet enfant, si Dieu le veut ou pas, tu peux suivre pour envoyer aussi mon enfant à l'école. Vous savez ça? Vous savez ça, le bien-aimé? Voyons une explication de ces relations. Pour voir le livre de la Bible. Dans chapitre 18. Dans chapitre 18. Vous montrez que personne, il y en a plein dans la Bible. Parce que si on est sur le temps ici, vous voyez sur le temps, on les voit. On n'a pas encore fait toute la montre, c'est pas comme ça. Tout le temps qu'on va passer, sinon on pourra passer, vous avez une question, on ne pourra pas finir. Donc on va vous donner les versets, mais le condensé, la couronne du message, on l'a suivi, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, Jean chapitre 18. Verset 15 et 16. Ce sont des choses que vous avez dit, parce que vous ne voulez pas attendre. Vous ne pouvez pas en fait, on a mis ça pour rien. On a mis ça pour des éléments comme ceci. Jean chapitre quoi? Verset 15 et 16. Regardons ce que ça dit. Regardez. Prenons verset 14. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil au Juif. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Écoutez. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu sur un sacrificateur. Vous avez vu? Deux personnes. On a déparé, on a tapé Jésus. D'accord? On tape Jésus, on tombe à Jésus en haut. Le sacrificateur a une maison. Où on entre. On passe, on entre avec Jésus. Si elle se met une porte à rester là-bas parce qu'il y a des gardes à la porte. Écoutez très bien. Il n'est pas traversé, c'est pas pour entrer là, pour se jusqu'à là où on a amené Jésus. Mais j'ai été avec notre disciple de Jésus. Ce disciple avait l'avantage que le gros sacrificateur de la maison là, il le connaissait. Vous comprenez? Oui. Ok, regardez. Verset 15. Simon Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Donc quand Jésus était dehors. Écoutez bien, verset 16. Mais Pierre resta dehors près de la porte. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien. Même si vous êtes bon, je ne vais pas rentrer, mais elle est là. Le frère qui est ici va utiliser de sa position pour faire entrer. C'est pas écrit dans la Bible, vous connaissez l'histoire, vous comprenez, ce sont les principes de Dieu qui sont révélés dans les Écritures. Ce sont les principes de Dieu qui sont révélés dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas écrit pour vous voyez l'histoire de la position de Jésus, c'est pas ça. Ce sont les principes de Dieu qui peut appétit s'échappent dans la Bible. Regardez. L'autre disciple qui était connu sur cet applicateur, sorti par là à la portée et puis vous avez vu n'est-ce pas? Les gens étaient là pour dire waouh. Mais en fait c'est mon frère. Ah, il était avec lui. Même ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a usé de sa relation pour mettre un frère là où il devait être. Cette Bible, si vous allez la lire autrement, lisez seulement et priez que le Seigneur vous jette des lumières. Vous allez voir les choses. C'est comme ça que Dieu positionne les gens. Et si vous manquez Dieu, vous manquez d'agir comme vous manquez Dieu, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que Pierre se dise à plus souvent le chemin de parce que c'est son rôle de faire entrer Pierre. Prenons encore un exemple, vous comprenez. Pour que l'écriture s'accomplisse par rapport à Jésus, Dieu a produit un homme parmi eux qu'on appelait Joseph d'Arimathée, avec Nicodème qui était venu voir Jésus de l'île. Il a mouru. C'est Joseph d'Arimathée, comme il avait la relation directe avec le gouverneur, va aller devant Pilate pour demander son vie. Il ne faut qu'il va entrer dans Pilate. Vous voyez comment je fais faire les choses ou pas? Elle va te faire les choses. La Bible déclare clairement que c'est une permis. Tu veux demander le corps à Pilate, tu es fou pour lui demander le corps. Donc il a utilisé sa position, la relation qu'il avait avec lui pour demander le corps de Jésus. Et à partir du moment où il a demandé le corps de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ va aller dans le tombeau de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu? Que dit de Esther? Quand la reine Vashti a été destituée, Esther était là dans le pays, elle était là, elle avait dit que nous touche, je suis la plus belle de la cité, je suis personne comme moi. Alors elle a sorti là-bas pour blesser les Juifs. Ils ne savent pas que dans le décret présidentiel du ciel, Dieu savait que Amal devait faire cela, il a mis quelqu'un pour le roi pour pouvoir résoudre le problème. Donc les solutions sont plus avant le problème. Le problème de la question là aujourd'hui, voici la boucle qu'on a fait la Bible, non? N'essayez pas de le dire, on va voir pour les visiter la écrit. On va voir on va mettre la solution en place. D'accord? Alors, Mardoché va dire à Amal, va envoyer le message à Esther pour dire que implore la miséricorde du roi pour qu'il change de décret. Maintenant, regardez les petits constants. Esther, ça n'est pas le livre d'Esther, la Mardoché, c'est un Esther va dire à Mardoché que mon cher ami, tu sais qu'il y a une loi ici. Il y a un décret qui dit qu'une femme ne doit pas s'assurer tant que ce n'est pas son cas pendant 30 jours. Et il avait la consommation de contrat le roi avec plusieurs femmes. Donc, il avait la chambre des femmes là-bas. Quand il passe un mois avec celle-ci, tu pars dans ton bagage, sauf que ton cou arrive encore un autre jour. Donc, tu habites là-bas. Tu es fidèle, lui n'est pas fidèle. C'est notre femme passe. Or, son jour était déjà passé. Et les juifs devaient être tués là-bas. Le décret était publié. Amand lui a envoyé qui que. Sache, ne pense pas que si tu le veux, tu vas rester là-bas. Parce que qui sait si t'es un temps comme celui-ci qui t'es venu pour voir. Amen, entre lui qui a arrêté, tu as été positionné là-bas pour nous défendre, vous n'êtes pas. Parce que la solution passera seulement de toi. Est-ce que c'est le sait? Esther va entendre, elle va dire quoi? Elle va dire ok, avant, elle est dit à Amen, qui prend tout le peuple pour qu'il jeûne. Moi aussi, je vais jeûner. Et je vais empêcher le roi pour rendre cette loi. Et si je dois périr, que je périsse. Frère, la loi qui est une loi sur les cadets, je l'ai su. Où on dit que si une femme des rois met le pied alors que ce n'est pas son temps, on doit être tué. Quand elle a jeûné, elle a prié, quand elle a mis le pied là-bas, boum, le roi l'a vu, elle a dit que je m'en fous du roi. Le roi l'a vu, elle a dit que je m'en fous du roi. Et c'est, demande-moi cette fois-ci, ce n'est pas la même place. Même si c'est la moitié du royaume, merde. C'est la même femme qui a changé le sexe. C'est pas qu'elle a changé le sexe. Elle n'a pas vu le roi la même. Elle est comme. Vous comprenez pas? La grâce l'accompagnait, la faveur l'accompagnait. Quand le roi l'a vu, elle a tendu le sexe. Pourquoi? Le principe d'utiliser ta relation pour aider. Je peux vous en donner comme ça des termes qui sont dans la Bible. Vous voyez, lisons maintenant pour l'apôtre Paul. D'accord? Pour l'apôtre Paul lui-même. Parce que les principes, c'est lui. Lisons maintenant pour expliquer la Bible, d'accord? Philemon. Philemon, c'est dans ce chapitre, d'accord? Débattez-vous pour trouver Philemon. Elle est quelqu'un qui veut que l'on passe les sessions des passages qui sont ici là, avant Hébreu, donc ça fait qu'il est là. Mais bien aimé, si les prédations la sont comme ça, ce n'est pas l'intention de vous faire du mal ou quoi que ce soit, mais je suis obligé, comprenez-moi vraiment la position de mon rapport, je suis obligé de prêcher ainsi. Ne dites pas que je suis rude envers vous, parce que c'est ce que Satan a fait avec la haine. Donc là, les gens, les chrétiens manifestent la nature de la haine dans le monde. Tu ne te rends pas compte que quand tu as le riz à la maison, tu manges, tu gardes le reste et que les autres ont faim, et les chrétiens particulièrement, tu es coupable devant Dieu, tu n'aimes pas ton frère. Et tu n'as pas la santé, toi, le salut de mon frère, il t'aime, Dieu aussi, il t'aime, tu le fais. Donc, c'est devenu une question, et les gens comme Amen, on répète à tous les coups. Tu veux Amen, tu veux Amen, il n'a pas dit, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Par exemple, là, c'est Amen. Tu le manges, tu ne peux pas regarder ton riz. Tu peux y aller. Ok, disons, regardez. Un seul chapitre, venir rapidement. Paul! Prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée à Philemon. Donc il écrit cette lettre à une personne, n'est-ce pas? À Philemon, notre bien-aimé et notre compagnon. Deux. À la sœur Apphia, à Achippe, notre compagnon du combat, et à l'église qui est dans sa maison. Vous avez par exemple, je ne sais pas encore plus la maison. Donc il y avait l'église dans sa maison. Donc l'église en sort, vous faites dans l'air, vous y êtes. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Soulignez ces versets. Je pensais que c'était pas même pas ce que je Donc l'apôtre Paul comprenait que celui-ci marchait dans la charité pour tous les saints. Donc il vivait pratiquement l'amour qu'on avait parlé là. Et quand l'apôtre Paul entend, ça se passe, les gens sont venus dire non. Il y a un frère qui a fait Philemon, il m'a rendu cette série, Donc il commence à comprendre que la foi et la charité seraient dans la paix. Vous connaissez, n'est-ce pas? Et il a dit la charité pour tous les saints. Il n'a pas dit la charité pour quelques chrétiens. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a ton voisin en Christ, il y a affection de personne. Il n'y a pas acception de personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas privilégié l'un par rapport à l'autre, d'accord? Supposons que moi, maintenant, si vous pas arriver chez vous, vous prenez un verre, vous mettez à ta bouche, assieds-toi sur la deuxième place ici. Et qu'un autre frère rentre, assieds-toi un peu là-bas. Si, va chercher une chaise derrière. Alors, donne la chaise plastique là pour qu'il puisse boire. Vous voyez, prenez que là, vous allez faire une distinction, n'est-ce pas? Déjà, ton voisin, ça ne doit pas être ainsi. Déjà, ton voisin, ça ne doit pas être ainsi. Voilà. Vous ne faites pas de distinction. Vous voyez, vous avez des gobelets et des verres qui vont vous pousser à faire une distinction. Débarrassez-vous des verres totalement et mettez les gobelets. Ou bien débarrassez-vous des gobelets, vous mettez les verres, d'accord? Bien sûr, si vous voulez encore honorer ceux qui sont faibles, allez vers les fêtes pour qu'on puisse les relever dans un stand. D'accord? Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Et que Dieu nous bénisse. Parce que je ne suis pas exclu. De toute façon, vous qui me connaissez, vous connaissez que c'est ma vie ici. C'est incompréhensible même aux gens, avec les gens qui sont à côté de moi. C'est incompréhensible. Mais c'est ce que Dieu m'a appris depuis ma conversion. Amen. Parce que c'est la loi de l'amour. Il a dit clairement dans ses actes de cœur. Il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le monde est venu me dire que le bonheur à donner. Donc, tu as qui la même voix que tu vas vivre. Le monde va dire ça. Mais le bonheur est venu me dire qui s'impose la vie du Christ. Jésus a dit ça clairement. Vous faites tous les bouts, là où la terre est, les bonheurs ne peuvent pas. Vous avez vu ça une fois, on a fait du chapitre, vous êtes en train de faire un peu. Après, vous êtes en train de faire du bon appareil, vous avez dit que ça, là où on est présent, là aussi sera ton cœur. Donc, plus ton cœur est attaché au matériel, plus tu es sur la terre. Plus ton cœur attaché à tes matériels, plus tu es sur la terre. La latitude, ou bien la façon de se débarrasser facilement, montre clairement que tu commences à être libéré de la pesanteur de l'attachement matériel sur la terre pour être activé vers les choses célestes. C'est mes chers frères. Alors, mes chers amis, Colossiens 3, versets 1 et 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et elle est là, si vous êtes mort avec l'électricité, cherchez les choses en haut. Vous ne pouvez pas accomplir ça avec les possessions matérielles en terre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ça? Parce qu'en réalité, si vous vendez ça, vous devez avoir des difficultés. Dans cette difficulté, vous devez vous aller dans la prière. Et vous priez au bout de la maison de la maison. C'est quand vous avez tout là, la voiture, quand vous avez tout là, sortez. Quand tu fais ton présent, aucun maire ne vous dérange. Ah, Dieu, mon père, je suis fatigué. Attends, dis que ça t'arrête. Vous allez fatiguer Dieu. Ça t'arrête, tu n'as pas beaucoup fatigué Dieu. Dieu n'a plus compris que vous êtes fatigué. Amen. Vous dites avec moi, pour que quand on a cette vidéo, je voulais prendre un dernier exemple par rapport à utiliser nos relations là, d'accord? Regardons. Donc, d'abord, pour aller de s'adresser à Philomon, il dit que Philomon d'abord est d'abord connu pour sa charité pour tous les saints. Donc, c'est quelqu'un qui exerce cette charité dont on s'en est parlé maintenant avec tous les chrétiens. D'accord? On avance. Maintenant, verset 5. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur. Donc, il a d'abord aimé le Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur, il dit, et de ta charité pour tous les saints. La foi au Seigneur Jésus-Christ se reconnaît par les œuvres de charité envers les saints. Donc, ceux qui sont des églises. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi les trois choses là vont demeurer. La foi, parce que chaque fois que la vie passe, nous avons le regard fixé sur Jésus. Et cette foi est prouvée par notre vie de charité. Et cette vie de charité, c'est un signe du fait qu'on a une espérance céleste. Trois choses demeurent. La foi, la charité et l'espérance. Vous comprenez pas? Donc, bravo, prier en langue, la foi s'arrête. Les prophéties publiques vont s'arrêter. Donc, les guérisons vont s'arrêter. Les prophéties, tout ça. Les choses vont s'arrêter. Là, on ne va pas passer. Parce que Christ, Dieu est amour. On continue. Jésus demande de que ta participation à la croix soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été battu. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que le frère a fait au sein? Ou est-ce que Philomène a fait? Parce que pourquoi les telles personnes sont nommées dans le livre de Dieu? C'est ce qui est dans les scènes d'écriture pour que ce soit le modèle pour nous. Il dit que le fait qu'il fait du bien au croyant, ça traduit plusieurs personnes. Donc après cette chose de relation, on va prendre une pause, vous prenez les liens, puis on continue. On n'a pas encore parcouru la moitié. Donc, verset 8, c'est pourquoi, écoutez maintenant, regardez, il connaît que celui-là a la foi en Jésus déjà établi. Il connaît qu'il est charitable à tout le croyant, c'est établi. Maintenant, c'est pourquoi. Vous dites, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. L'apôtre qui parle à Dieu dans le monde. Il dit que, en tant qu'apôtre de Christ, avec l'autorité de Christ, il peut lui prescrire ce qui est convenable, sans lui demander des suggestions. Souvenez-vous de la base que nous avons lue aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous avons la pensée de Christ. Nous parlons avec le langage spirituel parmi les parfaits. Ça que nous prêchons, employant le langage spirituel, prêchons spirituel. Mais l'homme charnel ne comprend pas du tout les dieux. Parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Vous souvenez de ce qu'on a dit aussi, je ne dis pas. Il dit que, avec cette autorité de l'apôtre Paul, bien que je sois en Christ, capable même d'être prescrit. J'étais pressant d'une tonne prescription, c'est-à-dire qu'on ne demande pas ton homme, on t'informe ce que tu dois faire. Voilà, n'est-ce pas? Et ne dis pas que comme je suis apôtre, venez te donner, fais quelque chose, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que toute personne qui a l'autorité de Christ et qui connaît l'amour de Christ comprend que cette autorité, c'est pour l'éducation. L'autorité que le Seigneur Jésus nous a donnée, ce n'est pas pour détruire, c'est pour construire. Parce qu'il a donné cette autorité pour que nous puissions bâtir une habitation spirituelle. Un temple qui l'honore sur la terre, dont les pieds vivants sont les croyants. Vous savez, c'est ça? Ok. Alors, il dit donc au verset 9, c'est des préférences au nom de la charité. Donc, il a laissé son autorité. L'autorité qui avait tout fait ces choses. C'est au nom de la charité que je t'adresse une prière. Je t'adresse à un homme. Une prière. Et dans ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier dans de Jésus-Christ. Donc Paul était déjà âgé à ses yeux. En plus, il était prisonnier. Et il avait un besoin qui lui touchait à cœur. Et c'est là que Philemon pouvait faire ce besoin-là. Et il priait donc besoin. Dès qu'il pouvait dire, Philemon, fais quelque chose. Si il disait ça, il n'aime pas toi. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'il avait dit, il devait être prescrit. Mais il dit, c'est au nom de la charité. Parce, il dit parce que tu connais bien ce que c'est que la charité. Donc c'est ça qu'il vient sur cet angle-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand tu as la machine au manifesté au sein, je crois que tu vas le manifester sur celui-ci. Donc il va comprendre. Vous êtes là, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, verset 10, il dit, je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes au métier. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Qu'est-ce que la faute va nous faire? La faute va nous utiliser sa position entre Onésime et Philemon pour donner davantage à Onésime. Onésime certainement avait fait le problème avec Philemon. Vous voyez, n'est-ce pas? La faute va prendre sa personnalité pour mettre au devant pour que Philemon, en regardant ce qu'Onésime a fait, en regardant qui est l'apôtre Paul, qui ferme les yeux sur ce qu'Onésime a à faire. Donc il utilise sa relation pour résoudre le problème. Ouais, n'est-ce pas? Donc, il dit les derniers paroles. C'est ça qu'il a établi là pour qu'on puisse utiliser nos relations pour aider les frères. Parce qu'il parlait du travail là. Parce qu'il y a des tous qui doivent travailler. Donc, si tu n'as pas de matériel à vendre, tu peux être riche en relations. Utilise ces relations là pour le Seigneur. Comprenez-vous donc que chaque fois maintenant, désormais, comme vous êtes à Christ, tout ce que vous avez appartient à Christ. Donc, les relations que vous avez les relations avec les gens, qui sont bien continuer. Demandez aux frères, chacun de vous. Vous êtes en communier, vous allez. Visitez-vous les uns, vous faites ton problème. Appelez avec quelqu'un pour que le besoin ne lève pas le besoin de l'autre. C'est ça que la Bible a déclaré dans 1 Corinthiens 12 que, et si un souffre, tout souffre ensemble. Comment celui-ci va écrire ici, c'est un de souffrir. C'est un de décider, parce que Dieu l'a béni. Pendant qu'il y a un souffre, Dieu l'a béni, c'est ce que peut s'en de pleurer. Ils sont assis contre à côte. Ouais, ça? Alors, Christ est au laminant au milieu. Quand on dit salut ton frère, dit je t'aime, c'est celui qui dit je t'aime. Celui qui dit je t'aime, faisait tout ça, les larmes, dans la tête, il n'y a pas de pour manger. C'est ce qui va dire je t'aime comme ça parce qu'il y a le poulet. Donc, un contraste, un monde de contraste dans le milieu chrétien. Dis à ton voisin, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. D'accord, mes frères, mes frères bien aimés. Donc, dis à ton voisin, si tu es pauvre, sois tranquille, bienvenue. Tu es une partie pauvre des membres de Christ. Tu n'es pas moins chrétien que les riches. Tu es là pour nous exciter à la charité. Levons-nous maintenant, levons-nous. Salut quelqu'un, à nouveau ta Bible. Ouvre ta Bible dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Quand vous allez ouvrir ça, vous allez lire, vous allez trouver quelqu'un à côté et à côté. Prends aussi ta Bible. Hébreux chapitre 10. Vous dites, hein? Hébreux. Hébreux, tout avec le monde, le monde qu'on a lu là. Vous dites, chapitre 10. Lisez le verset 24 avant de voir tout le monde ensemble. Verset 24 seulement. Verset 24, allons-y. Voilà. Vous allez lire là. Je vous dis que vous allez lire votre Bible. Donc le chapitre 10 des Hébreux, verset 24 dit veillez les uns sur les autres. Dis à ton voisin, regarde dans les yeux. Dis que tu dois veiller sur toi. Tu dois veiller sur moi. Parce que les chrétiens maintenant te disent, mon frère qui a dit que c'est la marche alors qui t'a venu. Tu veux connaître les choses pourquoi? Après tu vas me quelqu'un, mais est-ce qu'on le frère là? Il aime poser des questions. Même si on se dit que je t'ai dit. Elle est toujours là derrière nous que tu habites où tu savais quoi. Mais d'abord, il n'y a pas besoin d'aller à l'église, comprenez la volonté de Dieu. Dis, je dois veiller sur toi. Je dois veiller sur toi. Si le travail que tu fais est un travail de fraude, si le travail que tu fais est en tant que ton frère, je dois te dire la vérité. Je dis que tu es sur le sentier de l'iniquité. Si tu veux dire que je te juge, oui, je te juge en effet. Oui, je te juge en effet. Mais selon la parole. Mais selon la parole. Amen. Amen. Donc, je vais te dire dans ce verset. Il a dit, veillez les uns sur les autres. Il a dit, c'est bien, on va se veiller comme ça. Après, il a dit, pour vous exciter à la charité, oh, bon Dieu. Donc, vous devez veiller tout près. Parce que vous comprenez ça. Où est-ce que le Seigneur a dit, mais mon frère, pourquoi es-tu là? Pour veiller que vous fassiez cela. Que votre vie soit pleine de bon Dieu. Et la charité. Donc votre charité doit être connue dans tout le monde entier. On doit prendre pour référence l'église des doigts en disant que l'église des doigts vivre l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Pour que si les gens dans le monde entier sont embrouillés pour savoir comment vous faire de l'autre bien, vous dites que monsieur Denis venez ici. Regardez comment combien de gens en Europe, les deux femmes passées, le peuple accouché, ont tellement de terrain. Qu'est-ce qu'il va faire comment? Le pasteur dit que j'ai prophétisé dans ta vie que tu vas avoir la vie éternelle. Donc seulement même 115 millions de livres ici. On donne comme ça le passé, il dit j'ai pris, plus ton corps qui est mort. Tu prises ton corps qui est mort, ça va te changer quoi? Il faut prendre de l'argent. Parce qu'on n'a pas, les pasteurs eux ne connaissent pas le principe, comment s'aimer de chez Dieu. C'est pour ça qu'ils s'embrouillent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est à leur avantage. Vous comprenez quoi? Mon avantage, vous savez que, il n'y a même pas mon avantage là-dedans. C'est que le frère qui aime le frère, c'est comme la sœur, et que tout le monde s'aime de la même façon. Amen. C'est ce que Jésus veut que je vous dise. D'accord? Il dit veillez les uns sur les autres pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Charité est bonne. Quelqu'un dit charité est bonne œuvre. Charité est bonne œuvre. Je regarde encore ton modèle. Je dis, je dois payer sur toi. Je dois payer sur toi. Pour vérifier. Pour vérifier. Et te pousser. Et te pousser. À ce qu'on se fasse de bien les uns les autres. À ce qu'on se fasse de bien les uns les autres. On fasse de bonnes œuvres. Amen. Veuillez vous asseoir, les saints. Veuillez vous asseoir. Les femmes de la cuisine, passez à une maison pour donner ce qui est encore à manger. Que les saints mangent, d'accord? Pendant qu'ils vont communiquer avec le père, d'accord? Venez, les deuxièmes jours. Que Dieu vous bénisse.